21st century. Doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it. Screams from the haters. Got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Broken, the schools closed, the prisons open. We ain't got nothing to lose. Everybody, we rolling. Everybody, we rolling. With some light skinned girls and some Kelly Rollins. In this white man world, we the ones chosen. So good night, cool world. I see you in the morning. I see you in the morning. This is way too much. I need a moment. No one man should have all that power. The clock's ticking. I just count the hours. I'm tripping off the power. Till then, that's the world's hours. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Movies Nerd un peu spécial, vous allez le découvrir un peu plus tard. Je suis Axel, votre hôte comme d'habitude, et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Morgane. Salut. Salut. Comment tu vas? Bah ça va plutôt pas mal, je suis très content de le faire ce podcast là, vraiment. Bah, très bien. Et aussi j'ai avec moi Eddie, salut. Salut. Tu vas bien? Ça va. Bah nickel. Du coup, comme je l'ai dit, c'est un podcast assez spécial. Si vous avez lu le titre, vous avez tout deviné. On va vous faire notre bilan de la décennie 2010. Alors, comment ça va se passer? On va avoir deux podcasts, en fait. Un podcast, le podcast va être découpé en deux parties, plutôt. La première partie, on va faire plutôt une partie débat, où on va revenir sur ce qui nous paraissait important dans les changements et l'évolution de l'industrie cinématographique et comment notre façon de consommer les films a évolué entre 2009 et 2019-2020. Voilà. Alors, pour rappel, le bilan de la décennie, du coup, ce sera de 2009 à 2019, voilà, pour rappel. Donc cette première partie, c'est celle que vous écoutez en ce moment, et puis il y aura dans quelques jours, quelques semaines, cela dépend de ma maîtrise du montage, vous aurez un top 10 top 10 personnel de la décennie, des films qui nous ont le plus marqué de ces décennies. Et entre ces deux parties, à la fin de ce podcast, vous aurez un rapide, pour vous donner un peu envie d'écouter le top 10 de la décennie, un rapide top 3 de nos BO les plus marquantes, de nos actrices, acteurs et réalisateurs les plus marquants de cette décennie. Et comme ça, ben, vous aurez envie de découvrir notre top 10 après avoir écouté cette petite interlude. C'est du teasing. Voilà, exactement. Hein. C'est comme ça qu'on fait dans le marketing. C'est du sommaire. Alors là, c'est du marketing. Non, on fait à l'américaine. Nous. C'est exactement. On ne compte pas sur les sponsors. Exactement. On ne lésine pas. Exactement. Du coup, voilà, je pense que j'ai bien introduit tout ça. Et ben, je propose qu'on commence directement. Avec cette première partie, on a découpé en catégories. Et on va commencer avec la première catégorie qui est l'émergence de nouvelles façons de regarder des films. Là, on va se concentrer principalement sur les nouvelles technologies qui ont envahi les salles de cinéma durant ces décennies passées. Et on va commencer avec la 3D. C'était un peu la, pour débuter, je dirais, c'était un peu la révolution annoncée de l'année 2009. Avec principalement Avatar, qui nous promettait en fait vraiment le fait que jusqu'à ici on n'a pas vraiment vu les films comme il le fallait et que maintenant il fallait voir les films en 3D. C'était vraiment la nouvelle technologie, et ça allait être comme la révolution de la couleur au cinéma ou la révolution du son. C'était comparé à ce genre d'avancement technologique au cinéma. Qu'est-ce qu'il en est maintenant en 2019, 10 ans après? Bon, on est en 2020, donc on a encore un peu plus de... Mais bon, ça change pas du fait que ça, le nombre de films proposés en 3D a quand même pas mal baissé. Et donc moi j'aimerais connaître votre avis en commençant par Morgane. Qu'est-ce que tu pensais déjà en 2009 de cet avènement de la 3D qui existe hein, depuis longtemps, hein, depuis les années 50-60 au cinéma, mais cette nouvelle 3D entre guillemets, et du coup est-ce que tu l'attendais? Est-ce que tu pensais que ça allait révolutionner la façon de voir les films? Clairement oui, hein. Surtout que Avatar a été... alors Avatar n'a pas inventé la 3D, il l'a propulsé à un niveau tel que Hollywood après ça, après le record mondial d'Avatar historique j'ai envie de dire, s'est dit on va revoir notre façon de concevoir les films et on va vendre la 3D comme un argument marketing. Enfin, de base, non, c'était un argument artistique qui est devenu après un argument marketing. Quand même, je trouve aussi. Hein. Mais c'est vrai que le début des années 2010, par exemple, c'était l'après Avatar, tous les films sortaient en 3D et étaient vendus. Même ceux qui ne servaient à rien. On avait envie de les voir pour ça. Par exemple, aujourd'hui, si on compare le Alice de Burton, pourquoi les gens avaient envie d'aller voir Alice de Burton? C'est parce que c'était le deuxième film après Avatar qui utilisait la 3D. Bah, aussi parce que c'était un Alice façon Burton. Oui, tout le monde était persuadé que c'était vraiment un univers et un réalisateur qui allait s'accorder à la perfection. Ouais. Et du coup, en 3D en plus. En 3D, et en plus, c'est la 3D. Mais je pense quand même que là, c'est pas juste la 3D pour le coup. Et les gens, ils sont allés pour ça. Ils étaient heureux d'y aller. Tout le monde allait voir les films en 3D. Je pense à Dragon. Enfin, vraiment, 2010, c'était fantastique hein, à ce niveau-là. Après, ça a continué un petit peu. Et petit à petit, il y a eu, même s'il y a eu des exceptions comme Gravity, Gravity pour moi, c'est la dernière belle 3D que j'ai vue au cinéma. Mais c'est vrai que petit à petit, la 3D est devenue obsolète. Ce qu'on nous avait vendu comme étant l'avenir du cinéma, parce que c'était l'avenir du cinéma, finalement c'est devenu un espèce de cancer du cinéma, à tel point que les gens aujourd'hui boycottent maintenant un film qui sort en 3D, les gens n'y vont plus, et on voit bien que même par rapport aux salles qui diffusent les films, les séances en 3D sont très en minorité par rapport aux séances 2D. Moi je sais que dans le mien, la plus grande salle, c'est les séances les plus fédératrices, donc ça va être VF et VF classique sans 3D. Et les séances 3D vont être proposées dans les plus petites salles. Ce qui fait qu'ils ont dû réadapter des petites salles qui n'étaient pas forcément équipées avec la 3D. Oui. Ouais, c'est d'accord. Ça. Après, donc, il y a eu un vrai basculement. Et là, il y a une salle, la salle entre les deux, qui n'est pas très grande et pas trop petite non plus, qui va être convertie en 4DX. Parce qu'ils ne savent pas encore si ça va être rentable ou pas. Donc, parce que maintenant, c'est un CGR, le cinéma où je vais. Ça a été racheté. Et on voit bien maintenant qu'il n'y a aucun film qui se vend avec la 3D. La 3D n'est plus un argument. Même dans les bandes annonces. Hein. Même dans les bandes annonces. Après, bon, y en a un qui va arriver, normalement, qui devrait revenir en 3D, c'est James Cameron. Avatar 2, du coup. Voilà, je pense qu'il va lui. Voilà, mais malheureusement, la 3D, qu'on nous avait vendue comme l'avenir du cinéma, je suis assez étonné parce qu'à aucun moment j'avais prévu ça. À aucun moment, mais honnêtement, est-ce que vous n'irez pas voir Avatar 2 en 3D? Mais bien sûr que si, j'irai. Avatar 2. Je pense que j'irai le voir en 3D parce que pour le coup, le premier m'a vraiment laissé un souvenir marquant en 3D. Ouais. Ça rajoutait à l'émotion du film, je trouve. Moi, Avatar m'a vraiment marqué en 3D pour le d'accord. coup. D'accord. Ouais. Moi personnellement, je ne l'ai pas vu au cinéma, donc je ne l'ai pas vu en 3D. Voilà. Mais je l'ai vu au cinéma et en 3D et honnêtement il y a des passages c'était quand même assez bluffant quoi. Je regrette hein, parce que j'entends souvent les gens qui disent ouais c'était ma vraie seule séance de cinéma peut-être avec Dragon en 3D qui m'a véritablement marqué et du coup je regrette de pas être allé le voir en 3D quoi. J'en ai trois qui m'ont marqué, c'est Avatar, Titanic quand il est ressorti, c'est vrai. Et Gravity. Et Gravity, pour le coup, c'était vraiment une expérience dingue en 3D. Ouais. Et Hugo Cabret aussi, hein, la 3D de Scorsese. J'ai pas vu en 3D, mais j'ai pas vu au cinéma d'ailleurs. Mais force est de constater que la 3D, c'est en perdition, quoi. Enfin, et je suis assez étonné moi-même, quoi. Maintenant, la technologie va vers autre chose. On va vers la 4DX, bon, même si je suis pas fou de la 4DX, parce que ça donne un côté futuroscope, mais voilà. Mais la 3D. C'est vrai qu'on n'a pas marqué dans notre sommaire, mais la 4DX est plutôt arrivée de façon massive dernièrement, fin 2019. Ça va faire 2-3 ans qu'on en parle beaucoup chez nous, en tout cas. 2018-2019, mais... Ce qui plaît aux gens, enfin moi ce qui me plaît avant tout, c'est vraiment le confort visuel, donc tout ce qui est IMAX, Dolby, etc. Mais la 3D, qui était quelque chose, un outil révolutionnaire, est devenue malgré elle un argument. Parce que même nous, même moi, en allant voir les films au cinéma, des fois j'étais là, mais attendez, mais la 3D, elle sert à rien. Genre, je retirais mes lunettes, c'est exactement la même chose. Je me rappelle d'avoir vu Thor Ragnarok en 3D. Man of Steel, même le film en lui-même servait à rien. Mais je sais que Man of Steel, pour le coup, ça avait été pénible, quoi. Parce que le film est long et 3 heures, quasiment 2h30, 3 heures avec des lunettes 3D. Sachant qu'il y a en fait la 3D petit à petit est vraiment devenue, moi je trouve, ça me donnait plus mal à la tête qu'autre chose, quoi. Pareil. Et sachant qu'il y a aussi une différence entre les lunettes 3D actives et 3D passives. Les passives sont juste des verres qui interprète, c'est un peu l'équivalent moderne du rouge et du bleu, des lunettes rouges et bleues, et les lunettes actives qui ont vraiment un procédé de changement. Ça fait vraiment ressortir les choses. Voilà, c'est ça. Ouais, on le sent quand même, et c'est un peu mieux, mais ça donne, moi personnellement, ça me donne très mal à la tête, la 3D active. Et du coup, pour donner mon ressenti, la 3D. J'ai pas vu Avatar, du coup je peux pas vraiment me prononcer là-dessus, mais personnellement j'y croyais pas vraiment. Je voyais ça plus comme un gimmick qu'autre chose. Même dans son époque la plus resplendissante, qui était en 2009-2010, je voyais vraiment ça comme un gimmick, et j'évitais les séances 3D personnellement, sachant que moi personnellement j'ai aussi des lunettes, alors c'est vraiment chiant. La 3D, mais ça fait sur lunettes. Je mets pas de lentilles parce que j'ai du mal à mettre des lentilles, du coup lunettes sur lunettes c'est vraiment chiant, les lunettes actives encore plus, et du coup parce qu'elles sont lourdes, hein, les lunettes actives. T'as mal aux oreilles, hein. Voilà, et du coup je trouve que c'est rajouter un inconfort qui n'est pas si nécessaire que ça, à une expérience. Surtout que c'est principalement des gros films, des gros blockbusters. La plupart des films qui sont sortis en 3D ces dernières années, c'est des films Marvel et les films Star Wars. Clairement, il n'y avait pas d'autres. Parlons de la 3D sur le dernier Star Wars, mais franchement. Je sais pas, je l'ai pas vu en 3D. Je l'ai pas vu en 3D, en fait, c'est ça le problème. J'avais les lunettes, mais il n'y avait pas la 3D. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment ce genre de film dont c'est pareil pour Thor Ragnarok, quoi. Il y avait le marteau qui sortait une fois et puis c'est tout. Je veux dire, c'est devenu actif, vraiment. Progressivement, les gens l'ont vu comme un bah oui, tu payes 2 euros de plus, quoi. C'est ça, exactement. C'est vrai que moi, j'insiste vraiment sur le fait que dans Avatar, moi, je trouvais que ça rajoutait. C'est pas forcément que c'était un élément narratif, mais c'était un élément d'immersion qui fonctionnait. Dans Avatar, quand les terriens en gros détruisent l'arbre maison, t'as vraiment cette impression de la cendre qui nous tombe dessus. Et dans Gravity, pareil, les objets qui volent, et on est vraiment avec Sandra Bullock, quoi, dans son scaphandre. Déjà en soi, le film sans la 3D est assez immersif, mais avec la 3D, ça rajoutait vraiment quelque chose. Qui moi m'a marqué. Et Titanic, pareil, toutes les scènes un peu plus aquatiques. Alors forcément, hein, ça arrive au bout de, c'est la dernière partie du film, donc c'est au bout d'une heure et demie, parce qu'il est à peu près coupé en deux comme ça, une heure et demie. Ouais. Les scènes du naufrage forcément sont plus impressionnantes que les autres scènes de début. Quoique les scènes en sous-marin au début sont pas mal en 3D. Mais c'est vrai que sinon, je vois pas un autre film où, où ça m'a marqué. Il y a deux films de James Cameron, donc c'est, honnêtement, c'est limite James Cameron qui fait vivre la 3D, quoi. Et oui, mais parce que lui, il l'utilise en fait pour raconter quelque chose. C'est pas juste. Je me rappelle qu'à la sortie d'Avatar, il y avait Le Choc des Titans qui était sorti après, le remake. Et en fait, il avait été tourné en classique. Il l'avait tout en fait remasterisé en 3D. Et clairement, ça se voyait pas du tout, ça servait à rien. C'est clair, et c'est souvent le problème. Donc pour résumer sur la 3D, parce qu'on va passer à autre chose, c'est clairement une technologie qui meurt à petit feu et qui va peut-être revivre un petit peu avec Avatar 2 et 3, mais à part ça, je vois mal, à moins qu'on invente un procédé de 3D sans lunettes, ce qui est pour moi le futur de la 3D, quoi. Mais il faut vraiment trouver quelque chose qui fasse pas mal aux yeux, parce que ça existait déjà avec la, je prends un exemple de console, la 3DS, fait de la 3D sans lunettes, mais c'est pas de la, enfin c'est de la profondeur, mais c'est pas vraiment, t'es pas en immersion totale. C'est donc et puis mais moi je suis plus impressionné par les films en 4K ou les films avec une bonne une bonne profondeur d'image. Ouais, et d'ailleurs quand on achète une télé aujourd'hui, moi j'ai changé ma télé l'année dernière. Et au départ, on se disait, ben, on va prendre, voilà, on va quitte à en prendre une nouvelle, on va prendre un truc qui fait 4K et 3D. Et le vendeur nous dit, ah, mais non, mais de toute façon, vous aurez pas de 3D. Ouais. Ça ne se fait plus, en fait. Nous, on avait déjà le lecteur Blu-ray 3D et on, en fait, on a, on verra jamais de film en 3D chez nous parce que ça ne se vend plus. Donc, déjà, ça veut bien, ça, on s'est dit, d'accord. Donc, la 3D, bon, ok. C'est déjà, fini, la 3D au cinéma, j'y croyais moyennement, mais la 3D au salon, dans le salon, moi, j'y crois pas du tout. Mais vraiment, moi, j'ai toujours entendu dire que c'était meilleur, chez soi. Que au cinéma en fait. D'accord. Parce que justement, on a des souvent les lunettes vendues avec un lecteur Blu-ray ou une télé 3D, c'est des lunettes actives. Oui, oui, oui, bien sûr. Donc du coup, là, a priori, elle est plus marquante et plus réussie que que en salle. Mais bon, moi je sais que oui, j'ai plus été. Mon choix a plus été dirigé sur l'achat d'une télé en 4K avec une bonne fluidité d'image, une bonne profondeur que sur autre chose en fait. Et c'est vrai qu'honnêtement, je redécouvre vraiment des films en 4K alors que, la 3D... Oui, c'est clair. Passons rapidement à autre chose. Ça va être très rapide sur cette deuxième technologie qui a quand même... un peu marqué la décennie 2010, le HFR, le High Frame Rate, qui a été vraiment, qui a été mis en avant avec la sortie de Le Hobbit, Un Voyage Inattendu, ainsi que ses deux suites, La Désolation de Smaug et La Bataille des Cinq Armées. Pour expliquer rapidement un film, si vous ne savez pas, c'est 24 images par seconde, dans tous les formats, que ce soit quand vous regardez sur la télé, que ce soit au cinéma, c'est normalement 24 images par seconde. Et quand vous regardez par exemple des reportages ou à la télé, ça se rapproche plus des 60, voire 60. Sauf sur TF1 quand ils diffusent Harry Potter. Voilà, exactement. Voilà. Ils avancent, ils sont en micro avance rapide, ça déforme les voix et comme ça ils gagnent du temps pour insérer les pubs. Exactement. Heureusement qu'on paye une redevance. Bon, la redevance, c'est pas pour eux, normalement, il me semble, mais c'est pour France Télévisions. Mais, oui, c'est vrai qu'on a un programme de qualité. Du coup, le high frame rate, en fait, ça, c'est 24 images x 2, donc on arrive à 48 images par seconde, ce qui donnerait un aspect un peu reportage, un peu plus réaliste au film. Voilà, moi personnellement, j'ai pas vu Le Hobbit en 48 images par seconde, donc je ne peux pas parler, mais moi c'est pas quelque chose qui m'intéressait spécialement. Je voudrais savoir si Morgan, toi, tu les as vus en 48 images par seconde. Ça m'a un peu dérangé au début parce que forcément on n'est pas habitué. Après je vois pas la plus-value en fait. Tu les as tous vus en 48 ou D'accord, ok. J'ai pas vu la plus-value, donc j'avoue. Jamie Neiman de Ang Lee. Oui, c'est vrai que Jamie Neiman aussi. Et au début, on n'est pas habitué, mais après, à ce niveau-là, je m'y connais pas du tout. Je sais pas. Pour moi, il n'y a pas vraiment de plus-value, mais certains me diront peut-être. L'Odyssée de Pi était d'ailleurs assez impressionnant en 3D, pour le coup. Oui, c'est sûr. Mais certaines personnes me diront peut-être que j'ai tort et que oui, il y a une plus-value, mais moi, je ne la vois pas vraiment. Donc... Non, mais moi, je ne trouve pas non plus. Toi, tu l'avais vu, Eddie Moi, je l'avais vu au cinéma. Alors, est-ce que c'était en HFR, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Moi, je me souviens que oui, effectivement, je trouvais l'image fluide, très fluide. Mais après, parce que on était quand même... Enfin, les curseurs, de toute façon, technologiques étaient poussés quand même haut. Oui, bien sûr. Mais je trouvais surtout que ça faisait très jeu vidéo en fait par moment et que je comparais avec Le Seigneur des Anneaux et moi c'est plus le fait qu'il y avait c'était du full CGI partout et qu'il y avait presque plus de maquillage qui me choquait en fait. Oui, c'est plus ça en fait qui m'avait marqué. On en parlera un peu plus tard de ça. Et du coup, moi je les ai pas vus en 48 donc je peux pas dire mais du coup Avatar 2 et Avatar 3 devraient quant à eux être tournés en 60 images par seconde, donc encore plus, c'est à peu près la cadence de ce que vous regardez à la télé. On verra bien si ça révolutionne quelque chose ou pas, mais honnêtement je pense pas, c'est plutôt une petite évolution qui sera réservée à quelques rares films, et la plupart des gens n'y verront pas la différence, à part le fait que ce soit un peu étrange, et que ça paraisse bizarre, quoi, de voir ça au cinéma. Ouais. Voilà. On va passer du coup à la deuxième catégorie dans l'émergence des nouvelles façons de regarder des films, et cette fois c'est du coup on a parlé du cinéma, on va parler de chez soi, et principalement on va parler de l'émergence de la VOD avec la location ou l'achat de films en ligne, quelque chose qui est complètement apparu dans ces années, qui s'est démocratisé même. On parlera un tout petit peu plus tard du streaming, que ce soit des plateformes Netflix, Amazon, etc. Un tout petit peu plus tard, mais là on va se concentrer sur la VOD, l'achat ou la location de films en ligne, qui était quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. Ça a un peu niqué le business des loueurs de cassettes vidéo et de DVD. Complètement niqué le business de Video Store, voilà, c'est ça. Oui, oui. Des endroits que personnellement j'aimais beaucoup, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, est-ce que toi, Eddie, tu utilises souvent le fait de louer ou d'acheter des films en ligne, ou alors tu préfères les acheter en physique encore? Si tu achètes un film, tu préfères l'avoir en physique qu'en numérique? Oui, j'ai loué. Ça m'est arrivé de louer parfois des films en VOD. Par contre, j'ai jamais acheté de films en VOD. Ouais. Moi, je sais que c'est pas écologique, mais je suis trop collectionneur dans l'âme pour. Donc oui. Moi, j'achète encore beaucoup de Blu-ray et j'essaie d'avoir des collections. Et les seuls trucs que je vais acheter en dématérialisé, c'est les jeux vidéo, en fait. Ouais. Mais c'est clair que les DVD, les Blu-ray, principalement. D'ailleurs, je n'achetais plus que des Blu-ray. Et en fait, maintenant, ça dépend du film. Y a des films que j'achète en DVD parce que j'estime que voilà, il n'y a pas une grosse différence. Tout ce qui va être plus blockbuster, ça va être Blu-ray parce que quitte à profiter du spectacle, autant y aller à fond. Mais c'est vrai que non, j'achète encore, mais par contre, j'achète pas en dématérialisé pour ce qui concerne tout ce qui est film, quoi. Ouais, d'accord. Et tu loues de temps en temps, du coup? Ça m'est arrivé de louer. Ça m'est arrivé de louer, oui, mais dans des occasions assez rares, si j'avais pas l'opportunité de le voir autrement, oui, en fait. Ouais, d'accord. Toi, Morgan, est-ce que ça a changé ta façon de consommer? Est-ce que tu loues ou est-ce que tu achètes des films du coup en VOD? J'ai loué un film dans ma vie et c'était La Boîte, parce que je voulais pour le revoir. Voilà. J'ai et donné quel film, euros. J'ai envie de dire. J'ai donné 3 euros. Ouais. Ah non, j'ai loué Play aussi, que je voulais revoir, voilà, parce qu'il était sorti en façon prématurée à cause du Covid. Non, ça n'a pas changé les plateformes VOD, tout ça. Non, j'avoue, je consomme peu pour les mêmes raisons qu'il est dit. Je suis bien trop attaché. Quand il s'agit des. Je vais faire un petit parallèle. Là, dans 2 jours, il y a l'édition 45e anniversaire des Dents de la Mer qui sort en steelbook. Ouais. Autant il est sur Amazon Prime, mais je le regarde pas. Moi, je vais aller à la Fnac acheter mon steelbook parce que j'aime le contact physique. Enfin, j'aime le support, tout simplement. Oui, oui. Après, c'est bien. Et puis c'est vrai qu'une belle édition. On est tous d'accord là-dessus. Voilà. Sur les films qu'on aime. Ouais. On est content d'avoir des belles éditions. C'est vrai, voilà. Et puis même, t'as vraiment l'impression de le posséder, quoi. C'est quelque chose qui t'es fier de l'avoir parce que c'est pas juste un fichier sur ton ordinateur. Moi, je sais que si un jour je me fais cambrioler, si la maison prend feu, ça, de me dire j'aurais perdu tous mes trucs, ça me. Bah de même, ça me déprime. Quand c'est des éditions limitées, par exemple le coffret Parasite, la collector, c'est 1500 exemplaires. Bah, je suis content de faire partie des 1500. C'est vrai que voilà. Après, sur la VOD, je trouve ça bien. Moi, bon, allez, étant un enfant des années, j'ai vraiment grandi dans les années 2000, on va dire. C'est vrai que j'ai connu les vidéoclubs et rien ne vaut les vidéoclubs. C'est la nostalgie qui parle. Le fait d'aller. Il en reste quelques-uns, dans les grandes villes, j'ai envie de dire. C'est pas pareil parce que maintenant, c'est en plus la sédentarité, quoi. C'est-à-dire, tu restes chez toi. Non, j'aimais aller au vidéoclub, demander des films, regarder dans les rayons, prendre les DVD, tout ça. Rien ne vaut ce bon vieux temps-là. Maintenant, c'est révolu. Mais en soi, c'est bien. La VOD, c'est bien. Voilà, c'est bien. Oui, c'est sûr. Ça permet à des gens qui ne veulent pas payer tous les mois pour une plateforme de streaming. et qui veulent voir un film sur un coup de tête, ben tiens, on va regarder sur TF1, sur M6, sur... ils ont tous leur plateforme Canal+, Canal VOD, ils ont tous leur plateforme de VOD, et bon, les prix sont, je trouve, parfois un peu exagérés, parce qu'en plus... Moi, c'est clair qu'un film récent, je l'achète pas, je le loue pas... Je le loue pas à 19€. Non, et surtout, enfin, souvent ils proposent des fichiers en SD et en HD. Mmh. Et la SD est un peu moins chère, mais la qualité est vraiment dégueulasse. Ah, oui. J'ai loué récemment le stand-up de Jamel Debbouze des années 2000, je connais plus le nom, sur TF1, et du coup il y avait que la SD, et on voyait quasiment rien. Et heureusement c'était un stand-up et je connaissais un peu, donc ça va, mais si ça avait été un film, j'aurais été vraiment dégoûté. Ouais. Moi je me souviens du premier film que j'ai loué, c'était sur la Xbox 360, c'était La Panthère Rose 2, parce que j'adorais le remake de La Panthère Rose, avec Steve Martin, qui est sorti en 2006. C'était un film que j'aime beaucoup et que j'aime encore beaucoup. Je ne l'ai pas revu depuis. Donc, I want to buy a hamburger, c'est ouais, ça ouais, non, mais ce passage-là. Cette blague, c'est vraiment, pour moi, c'est pour ça que je regarde le film, quoi, clairement. Mais c'est vraiment trop drôle. Et du coup, j'avais loué le 2, bon, qui est beaucoup moins bien, mais voilà. Et depuis, j'ai pas louer grand chose, quoi, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, personnellement, si je mets de l'argent dans un film, c'est que j'ai envie de l'avoir en physique. Ouais. Et puis, ben, on a parlé de VOD, de streaming légal, mais personnellement, pour découvrir des films où je sais pas trop si je vais aimer, la seule façon que j'ai, alors je sais que c'est pas bien, etc., mais le téléchargement illégal, c'est quand même la façon sans risque de regarder des films. Mais voilà, le truc, c'est que si je vois un film qui si me plaît pas, beaucoup, c'est jetable, quoi. Ouais, c'est ça. Si je vois un film que j'aime beaucoup en streaming illégal, enfin en téléchargement illégal, je sais que je l'achèterai en Blu-ray. Mais moi jour. C'est pareil, il y a beaucoup de films que j'ai découverts en streaming. Ouais, ou en téléchargement. On n'appelait pas ça Netflix. Hein. C'est ça, et que j'ai acheté après parce que je les ai trouvés trop bien. Mm-hmm. En fait. Mais c'est parce que, ça permet de découvrir. Parce que le streaming et les banques sur Internet de fichiers, c'était vraiment. Moi, il y a des films vieux, mais la plupart des Hitchcock que j'ai vus, je les ai vus comme ça parce que j'avais aucunement la possibilité de les voir ailleurs, en fait. Oui, donc, c'est sûr. Et, puis, après, et même là, sur Netflix, sur Disney+, et tout, honnêtement, moi, j'ai du mal à voir des vieux films et des... C'est pas évident, hein. Oui, c'est sûr. Bon, Netflix, faut être ça fait... abonné à 5 services de streaming différents pour avoir une bibliothèque vraiment conséquente, quoi. Oui, c'est clair, c'est clair. Donc, voilà, on en a pas parlé, mais c'est clair que le téléchargement illégal et le streaming illégal, ça permet alors, quand même... quand on peut, parce que maintenant... Voilà, c'est ça. Enfin, moi, je n'y arrive plus. Ah. Okay. Je ne sais d'ailleurs pas comment je vais arriver à faire un bilan de l'année 2020, parce que pour l'instant, j'ai vu deux films, dont un qui est Jurassic Park. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu cette année hors de chez moi. Ok, ouais, non, mais t'inquiète, on verra. Donc ça sent pas très bon hein, pour la fin d'année. Non, c'est clair. Donc voilà, pour parler de la VOD. On va passer rapidement au streaming légal, du coup, puisque... Alors, en France, c'est 2015, j'ai envie de dire 2015-2016, que Netflix est arrivé. Ah bon ? Il me semble, je un sais... Un peu avant ? Je un peu avant, avant. 2014 ? Oh, mais je crois que j'ai... Ah non, c'est arrivé. Ouais, ah, non. Je ne sais plus quand c'est sorti en France, honnêtement. Mais, c'est sorti... Voilà, enfin, moi, je me base sur Daredevil. C'est arrivé en France au milieu des années 2010, on va dire. A un peu tout changé. Voilà, même si il y avait avant Canal+ qui avait sa plateforme mais qui était 100 fois trop cher, bien sûr, comme toujours. Comme tout ce que propose Canal+ d'ailleurs. Voilà. Et du coup, toutes ces plateformes qui étaient avant, qui étaient là avant, même les plateformes de VOD, voyez d'un mauvais œil, ce qui est compréhensible, l'arrivée de Netflix, mais ça a quand même chamboulé pas mal de choses. Puis après est venu Amazon Prime, et également après Disney Plus. En tout cas, ce qui est en France. Le plus récent, c'est Disney Plus. Il y a d'autres plateformes, Voodoo et tout ça. Enfin, il y a. Et OCS. Mubi aussi, OCS. Alors oui, Mubi, Filmo TV, tout ça. Apparemment, voilà. Qui sont quand même des plateformes avec des bonnes des propositions offres, plus ouais. éclectiques et plus axées à réessai aussi parfois. Oui, voilà. Donc il y en a pour tout le monde, clairement, dans les plateformes de streaming. Toi, Morgane, de quel œil t'as vu l'arrivée de Netflix, puisque ça a été vraiment le premier gros à faire émerger le streaming légal. Comment t'as vu cette arrivée en France, et est-ce que tu étais OK avec ça? Oui, ou pas. Bah oui, bien sûr, parce que c'est une nouvelle façon de consommer des films à un moindre coût, on va pas se mentir, hein. C'est vrai que, bon, d'un avis personnel, je préfère Prime Video que Netflix en termes de contenu, mais ça c'est personnel. Mais dans le principe même, c'est vrai que je trouve ça bien d'avoir, un choix assez libre, que ce soit sur le support, que ce soit des films... aussi bien des films que des séries, pardon. Après, Netflix, j'ai un peu du mal avec. Alors là, pour le coup, on s'éloigne un peu du cinéma, mais c'est plutôt la conception même de leurs séries. C'est-à-dire, moi, je fais partie de la vieille école des séries qui est que deux épisodes hebdomadaires ou un épisode hebdomadaire, c'est pas mal. Alors que oui, mais je suis plus du tout là-dedans. Moi, maintenant, j'ai maintenant, du mal à attendre les épisodes. Moi, je trouve que ça fait partie d'une série pour qu'elle s'imprègne de toi. Il faut qu'elle laisse le temps. Une série comme Lost, par exemple, ne pouvait pas, si elle sortait sur Netflix aujourd'hui, on balance tout d'un coup, mais c'est impossible, quoi. Breaking Bad, c'est pareil. C'est des séries qui ont besoin de mûrir dans ta tête et tout. Bon, ça, c'est autre chose. Après, sur le côté cinéma, non, je trouve ça bien que ça existe. Ça permet aux gens qui ne vont pas au cinéma de voir des films. Ou même, par exemple, ils regardent le synopsis, ils disent « Tiens, je tente ». Même des films qu'ils n'auraient jamais pu tenter, ils y vont à l'aventure, quoi, à l'aveugle total. Parce que tu sais que de toute façon, si tu n'aimes pas, bah, t'arrêtes le visionnage. T'arrêtes le film, quoi. Après, sur des plus gros films, alors j'avoue qu'il y a certains films qui ont... c'est normal, hein, parce qu'il y a des producteurs qui ne veulent plus sortir des films, même si c'est des grands réalisateurs au cinéma. Je pense à Martin Scorsese pour Irishman. Ouais. Mais même si je n'ai pas vu celui-là et je ne veux pas le voir, parce que 3h30 de Netflix chez moi, je pense qu'il y a des films, c'est vrai, qu'au cinéma, méritent davantage une place au cinéma que. Voilà. Et de voir que certains films. Alors, 3h30, je préfère le voir chez moi, hein, honnêtement. Hein. Non, parce que je suis plus vite dissipé, moi, chez moi. Ah oui, mais moi, je suis carrément plus à l'aise chez moi. Parce que moi, j'ai plus l'âge avançant, alors je ne suis pas encore un grand-père, hein, mais du haut de mes 30 ans l'année prochaine, je commence à vraiment ne plus supporter. D'être mal assis dans un siège de cinéma, ça me gonfle, quoi. Je suis pas à l'aise. Je suis hyper bien chez moi, quoi. Je regarde les films comme je veux. Ouais. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Non, mais ça se comprend. Ça se comprend, hein. C'est vrai que moi, je préfère passer 3 heures au cinéma que 3 heures sur mon canapé. Ah, ouais, hein. Non, c'est plus possible. Hein, mais c'est bien que ça existe. Voilà. Après, ça dépend, est-ce que ton canapé est confortable? Voilà. Ouais, j'adore. Après, tu canapé. Peux t'allonger, quoi. Mais, c'est ça. Mais le truc, c'est que des gros films, des grands réalisateurs qui vont vers Netflix, c'est bien pour eux. Mais bon, ça prive quand même quelques films d'une sortie cinéma. Par exemple, Roma d'Alfonso Cuarón, que je n'ai pas vu, et je pense que c'est un film. Deux salles et c'est pas un film Netflix, quoi. Ouais, mais bon, est-ce qu'il vaut mieux qu'il fasse ça plutôt que de se priver de sortie tout court? Tu vois, c'est ça que je me dis, c'est que Martin Scorsese, ça se trouve, The Irishman, on l'aurait jamais vu. Ouais, c'est bah vrai. Oui, non, mais ça c'est pas c'est bien, et puis ça permet aussi au film de peut-être de mieux marcher que s'il sortait au cinéma et de se prendre un bouillon, quoi. Ça, c'est totalement normal. Et je critique pas ça. Au contraire, hein, c'est une démarche c'est du business, quoi, avant tout. Oui, bah oui. C'est normal. Mais j'avoue que moi, ma consommation personnelle du cinéma, c'est et même avec Netflix, ça t'habitue trop. J'aime pas toujours pas, on revient sur l'idée de la VOD, je n'aime pas l'idée de zapper avec ma télécommande tel film, non, je préfère aller dans ma bibliothèque, prendre le Blu-ray, sortir de la boîte, oui. Je préfère ça en fait, mais ça ouais. C'est, encore une fois, c'est moi, c'est personnel. Non mais je pense qu'on est d'accord là-dessus, moi personnellement des films que j'ai en Blu-ray et qui sont sur Netflix, je vais les prendre, je vais les regarder en Blu-ray, et on sera tous pareils là-dessus. Je pense qu'on est des vieux cons, clairement, on est de l'ancienne génération, et que la nouvelle génération n'en a plus rien à foutre du support physique, ce que je peux comprendre, parce que quand t'es pas habitué au support physique, tu te dis... Non, puis on est tous d'accord sur le fait que de toute façon, ça c'est pas... je veux dire, avec les c'est enjeux actuels, aussi, voilà, c'est pas écologique d'acheter... ça, c'est... Non, mais je le sais, hein, moi... Ouais, ouais. Je suis toujours en train de gueuler parce qu'on fout la planète en l'air, mais par contre, moi, je suis le premier à acheter un film qui me plaît vraiment, quoi. Donc, après, c'est pas... je sais que c'est pas bien, mais bon. Je sais pas ce qui pollue le plus entre... Non, je pense pas que ça soit ce qui pollue le plus, hein, mais... Parce que Netflix et tout ça, c'est quand même des choses... Enfin, faut le rappeler. C'est les serveurs qui chauffent aussi, hein. Voilà, c'est plein de serveurs, tout ça, c'est de la clim pour refroidir tous ces serveurs, et du coup, c'est beaucoup d'énergie dépensée, Donc, il y a du bien et du mal des deux côtés, on va dire, sur le spectre écologique, en tout cas. Non, mais voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais c'est aussi parce qu'on est, j'aime pas dire ça, parce que de l'ancienne génération, ceux qui ont découvert vraiment le cinéma avec le support physique, avec la VHS, avec le DVD. Donc, voilà. Mais qui sont amenés à disparaître, hein, de toute façon. C'est aussi ça, et après, je pense pas que le support physique va complètement disparaître. Non, mais ça sera beaucoup plus limité et certainement plus cher. C'est ce qu'on craint, clairement. Parce que et Disney, que ce soit Disney limité à certains films. L'évoque vraiment. Hein. Ouais. Disney avec Disney+, il y a aussi une volonté de... De plus sortir de... Et puis, oui, de moins en moins. Hein. Et puis c'est économique pour eux, hein, clairement. Bien parce sûr. Que c'est une chaîne de distribution, tout ça, c'est beaucoup d'argent en jeu. Alors qu'une plateforme de streaming, c'est quand même moins cher à garder tel quel plutôt que de produire à chaque fois des nouveaux DVD Blu-ray pour le dernier film qui est sorti. Mais c'est pas pour rien que Disney Plus propose des films en 4K de toute façon. Oui, c'est sûr. Voilà. Du coup, toi, Eddie, le streaming légal, tu l'as accueilli comment avec surtout Netflix? Moi, je l'ai accueilli. En fait, vous savez, mais je suis pas à fond sur l'actu de tout ça en fait. Donc, j'avais entendu parler de Netflix, mais dans mon cercle d'amis, je crois bien que personne n'était abonné. En plus, quand moi, je me suis abonné, et on s'est dit tiens, bon, après tout, il y a une période d'essai, on va voir ce que ça donne. Et on a trouvé plein de trucs au départ. Donc on s'est abonné, depuis on est toujours abonné, c'est vrai qu'on l'utilise un peu moins. Moi j'utilise beaucoup au niveau des séries, des choses comme ça. Ouais. Il y a pas mal de choses que je suis, alors que pour le coup Disney+, on l'attendait vraiment. Parce que c'était Disney, parce qu'on voyait l'offre qui se profilait. Ça a été un chouïa la douche froide quand même, parce que finalement Disney+, on en a vite fait le tour, pour l'instant. Je pense que ça s'étoffera, mais moi j'ai pas accueilli ça... d'un mauvais œil, quoi. Oui. Je me disais, en fait, tout bêtement, hein, je pense que le contexte de là où on vit joue aussi. Hein. Moi, je sais que, je pense que voilà, hein, ceux qui suivent le podcast le savent. Je n'arrête pas d'en parler, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal à parfois à voir des films. Et c'est vrai que Netflix, c'était un autre moyen et pour le coup légal de découvrir certains films. Et c'est vrai que j'ai découvert certains films sur Netflix. Parfois des petits films indépendants dont on n'a pas entendu parler et dont on se dit ouais, c'est que ça doit pas être terrible, en fait pas du tout. Enfin, ça m'a permis de découvrir des trucs que j'aurais peut-être jamais vu avant et en plus de découvrir parfois des genres ou des choses. Oui. Mais de toute façon, si j'aime pas, je passe à autre chose, quoi. Donc non, moi j'ai pas accueilli ça d'un mauvais œil. Est-ce que ça a changé ta consommation, clairement? Ma consommation de séries, oui. J'en regardais déjà pas mal avant, mais là, j'en regarde beaucoup. En même temps, surtout. Ouais. Avant, je devais être à... avant, je devais être à 3-4 séries que je suivais vraiment. Donc maintenant, aux 3-4 séries que je vais suivre, par exemple, à la télé, il faut en rajouter 4-5, pareil, que je vais suivre via un service de VOD. D'accord. Donc, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Et du coup, Du coup, oui, moi je pense que ça a un peu changé ma façon de voir les choses, mais ça a aussi changé ma façon de, peut-être ma façon de voir aussi certains films. J'ai des films, par exemple, je pense avoir vu plus de films d'horreur depuis que j'ai Netflix qu'avant. Mmh. Ouais. Donc voilà. Donc après, est-ce que je resterai abonné à deux services? Est-ce que je m'abonnerai à un troisième service de VOD? Je sais pas. Pour l'instant, j'avoue que j'ai un peu de mal à me dire un troisième, je sais pas, parce qu'Amazon Prime me fait de l'œil, mais par conviction, en fait, je boycotte Amazon, j'achète plus sur Amazon non plus. Ouais. Parce que c'est du foutage de gueule, c'est trop de balancer des trucs neufs à la poubelle, je trouve ça absolument honteux. Donc je ne veux pas en fait donner d'argent à Amazon. Ce qui est compréhensible. Voilà, donc, mais par contre, oui, c'est clair, hein, quand je vois la pub Amazon à la télé, je me dis putain, oui, ils ont l'air d'avoir des séries quand même. Et même la série Seigneur des Anneaux, hein, honnêtement. Une série sur la Terre du Milieu, moi j'adore toute l'œuvre de Peter Jackson là-dessus. C'est clair que ça me tente. Mais pour autant, je suis pas forcément très ouvert à l'idée de m'abonner à un autre service de VOD, ou alors à un truc beaucoup plus style Mubi par exemple, ou je sais plus, un truc un peu plus fermé. Là il y a quoi. Le nouveau service qui a fait pas mal parler de lui, et je suis sûr que Morgane a le nom de film d'horreur, je sais plus le Shadows nom. Voilà, Shadows, qui a fait un peu parler de lui récemment. Ouais, bah c'est tout nouveau. C'est juste du film de cinéma de genre, en fait. Et il y a vraiment de tout. Le problème de Shadows, c'est qu'ils sont nouveaux, donc du coup, il n'y a pas encore l'appli. Tu peux pas encore caster de ton téléphone à ta télé, c'est uniquement par PC. Donc moi, j'avoue, j'ai pris la période d'essai, voyant que je pouvais même pas regarder les films vraiment, et je veux pas regarder un film sur mon téléphone. Je ne m'appelle pas Reggie le Gorilla. Contre, ouais. Une série, des téléréalités, des machins comme ça me gêne pas sur mon téléphone. Comme des vidéos YouTube par exemple, mais par contre, c'est vrai que non, un film je le regarde. The Irishman, je l'ai regardé sur ma télé, sur grand écran. Ah oui, j'étais incapable de regarder ça sur mon portable, c'est clair, ou sur ma tablette, même sur mon PC. J'ai un bon écran de PC, mais je regarde pas de film sur mon PC, ouais. Non, à la limite, Hulu peut-être qui pourrait m'intéresser, mais pour l'instant, il est pas déployé. Et j'espère que Disney Plus aura l'idée de faire un package, quoi. Ceux qui sont abonnés à Disney Plus. Mais après, ce qui est bien, je te coupais, dit. Après, ce qui est bien avec Netflix, c'est qu'on l'a vu récemment. Il y a des Charlie Chaplin, tout ça. Ils vont, ça propose. Récemment, ils ont fait l'effort, et justement, on a aussi la contrepartie sur Amazon, qui ont mis aussi des Agnès Varda. Ils ont dû se rendre compte que beaucoup de cinéphiles, entre guillemets, de Twitter, hein, principalement, se plaignaient du fait Netflix, c'est pas pour les vrais cinéphiles, etc. Je sais pas. Mais c'est l'avantage, en fait, des services de VOD, c'est qu'ils peuvent quand même être à l'écoute d'une communauté. Ouais, donc, c'est l'avantage et l'inconvénient, entre guillemets. C'est aussi l'inconvénient, parce que forcément, Netflix, ils produisent une série sur la guerre de Troie, par exemple. Du coup, Achille est black. Alors moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait du boulot pour tout le monde, mais faut un peu de cohérence historique, même si c'est un personnage de fiction. Mais le héros typique grec, il est pas black, quoi. Il y a certainement des héros africains qui avaient toute leur place pour une série aussi, et qui n'y sont pas. Donc c'est plus sur ce genre de trucs là que je trouve que c'est un petit peu bizarre, et c'est ce qui parfois pose problème quand on écoute trop les gens et qu'on veut absolument faire plaisir à tout le monde. Je pense qu'il faut aussi savoir proposer et rester cohérent. Mais par contre, c'est vrai que pour le coup, c'est bien que ça puisse aussi amener des choses. Ah oui, par contre, on va retrouver du Chaplin sur Netflix, et d'autres films plus anciens qui ont marqué et tout ça. Donc c'est bien, ça peut permettre aussi à des générations plus jeunes de les découvrir, pourquoi pas. C'est vrai. Donc non, mais c'est bien. Du coup, moi personnellement, le streaming légal, c'est arrivé assez tôt dans la décennie pour moi. Je me suis abonné à Netflix en 2013, avant qu'ils arrivent en France. 2 ans avant qu'ils arrivent. Normalement, ils arrivent en France, il me semble. Je ne vous expliquerai pas comment j'ai fait, mais voilà. Du coup, c'est quelque chose qui est rentré un peu dans mes habitudes assez tôt dans cette décennie, mais c'est toujours, enfin, c'est avec ça que j'ai découvert pas mal de films, clairement, des films que j'aurais téléchargés illégalement autrement pour les découvrir, et que finalement après, quand je les ai vus sur Netflix, je les ai rachetés en Blu-ray. L'exemple le plus parlant, je crois que c'est, j'avais jamais vu Truman Show en 2013, je l'ai découvert sur Netflix. Et je l'ai acheté en Blu-ray un an après, quoi. Donc, donc voilà, ça permet vraiment d'élargir sa culture sans être dans l'illégalité. Mais moi, c'est pareil, la consommation Netflix, c'est la même que celle que j'avais si je téléchargeais, en fait. C'est ça, exactement. Ça a remplacé le téléchargement pour certains films. Le problème que j'ai, moi, c'est qu'en France, on a la chronologie des médias, on en a déjà parlé pas mal de fois. C'est le gros souci, je pense. Je pense que l'un des freins. Pour moi et pour nous trois, hein, je pense d'ailleurs, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a des trucs récents, on sait qu'on les aura pas sur Netflix avant 2-3 ans. Et ça, c'est le problème. Alors qu'aux États-Unis, ils ont déjà ils ont déjà le dernier Star Wars, ils ont tout, quoi. Donc, c'est ça. Et nous, c'est impossible chez nous. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est aberrant de voir que l'État ne comprend pas qu'en continuant à maintenir ce truc. Le piratage est encore de beaux jours devant lui chez nous et que honnêtement c'est complètement con, c'est tuer vraiment aussi un marché. Moi, je pense qu'il y a des gens qui s'abonnent pas parce qu'ils savent ça aussi, hein. Oui, non, mais c'est clair. Par exemple, même en Belgique, hein, Netflix belge propose des films qui sont sortis en 2019, des films récents, quoi, qui sortent quand le DVD ou le Blu-ray sort. Donc, c'est partout dans le monde à peu près pareil. Donc, c'est en France, on a cette chronologie média. On va pas en revenir dessus. Si vous voulez savoir plus, on en avait parlé dans le dernier Parlons Cinéma, en long, en large et en travers. Mais pour moi, ça me pose des soucis, mais je peux contourner, c'est-à-dire que je peux aller sur Netflix US quand je veux et d'autres Netflix qui sont aussi très intéressants, Canada par exemple, ou UK de Royaume-Uni, pardon. Donc voilà, ça a quand même, en fait, ça a pas véritablement changé ma façon de consommer des films, puisque c'est la même chose que si, comme t'as dit, Eddie, comme si je les avais téléchargés légalement, mais je préfère justement le faire dans la légalité. Et du coup, ça a permis au moins ça. Parce que je pense que c'est ça qu'il faut rappeler aussi quand on parle de téléchargement illégal. Faut pas voir les gens qui téléchargent illégalement comme des de toute façon on veut pas dépenser d'argent et tout. Non, mais moi je sais que la plupart des choses que j'ai téléchargées illégalement, c'est parce que je faisais comment pour découvrir certains trucs, quoi. Et puis même c'est vraiment plus par nécessité de vouloir découvrir quelque chose que de ne pas dépenser d'argent. Là, sinon j'aurais jamais en fait acheté des films après alors qu'ils m'avaient plu en téléchargement. Le souci, moi, que j'ai, c'est je suis d'accord avec ce que tu dis, mais personnellement, moi, je dépense pas 20 balles pour un film que je sais pas du tout s'il va me plaire. Moi non plus, hein. C'est quelque chose que je me vois pas faire et que éventuellement je vais le louer à plus petit prix, c'est ça, ouais. Mais je me suis refait j'avais commencé à me refaire les Missions Impossibles. Moi, j'ai toujours pas vu le 6. Je sais que le 6e je vais l'acheter parce que j'ai les autres, alors que je ne l'ai pas vu, je sais pas s'il me plaît ou pas. Mais bon, je me dis, bon, maintenant il est sorti en 2017, 2018, je sais plus. Été 2018. Été 2018, donc il va avoir baissé, il va être à quoi avec beaucoup de chance, il sera à 10 euros, quoi. Ça me gêne moins. C'est le prix d'une place de cinéma, ça me gêne moins. Mais par contre, aller foutre 19 euros dans un film que je n'ai pas vu, non. Voilà, c'est ça. Et tout comme j'irai pas payer 19 euros ma place en salle de cinéma. Parce que ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, 18 euros à deux, d'accord, mais à 19 euros une place, je trouve ça... Non, c'est pas normal, quoi. Donc, on va terminer sur ce chapitre du streaming légal, mais c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, qui continue. HBO Max, d'ailleurs, s'est lancé aux États-Unis récemment. Bon, a priori, c'est un peu un pétard mouillé, hein. Oui, un petit peu, apparemment. Bon, j'ai pas testé la plateforme, personnellement. Après, moi, c'est... Une plateforme comme ça peut-être pourrait a l'air d'avoir une programmation intéressante. Le seul, enfin, oui, c'est clair que la programmation Warner Plus les séries HBO, clairement quelque chose, une plus-value. Voilà, donc, mais on verra ça. Ça n'a pas arrivé tout de suite en France parce qu'il y a OCS qui détient les droits des séries HBO pour l'instant en France. Donc, pour l'instant, ça restera comme ça. Voilà. On va terminer sur ce chapitre du streaming légal et on va passer à ce qui a changé. Deuxième gros chapitre. C'est le dernier chapitre hein, avant notre bilan complet. C'est les changements dans l'industrie cinématographique en elle-même, la façon dont on fait les films, ce qui a changé, ce que les studios en fait et les indépendants nous proposent au cinéma ou chez nous sur les plateformes de streaming. On va commencer avec la production des studios de cinéma et un des trucs qui a ressorti le plus dans nos discussions et qui nous paraissait important d'évoquer puisque c'est clairement une invention De 2010, même s'il existait avant ce qu'on appelait des sagas, mais maintenant les sagas ça ne suffit plus, on appelle ça des Cinematic Universe, avec Marvel en tête d'affiche, bien sûr, puisque c'est peut-être le seul qui a vraiment fonctionné comme ses créateurs l'ont voulu. Mais on peut citer le DC Universe aussi, le Dark Universe de Universal. Est-ce qu'on peut le citer ? On peut le citer. Le Fast and Furious Universe aussi, hein, qui est univers très important dans l'histoire du cinéma. Et puis, il doit y en avoir d'autres encore. Je sais pas Il y a le Wizarding World avec Harry Potter et les Animaux Fantastiques. Oui, Le Seigneur des Anneaux, je pense qu'on est encore plus sur la saga que sur le cinématique universe. Ouais, voilà. C'est clair. Et puis, on ne parlait pas encore trop. Mais il y en a d'autres. Il y a Godzilla, il y a avec Kong. Il y en a plein. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est vraiment l'invention de cette décennie. Moi, j'aimerais demander à Morgane comment tu t'as accueilli ce changement en fait. On parle plus vraiment de saga, on parle de Cinematic Universe. Les films deviennent un peu des épisodes d'une série connectés entre eux. C'est très bien. C'est très bien, même si j'ai un peu perdu l'amour pour les séries télé, parce que voilà. Mais là, le cinéma s'est un peu adapté en fait au concept de la série télé, puisque maintenant, c'est vraiment des épisodes qu'on voit au cinéma. Des épisodes. Et les séries télé se sont un peu adaptées au code du cinéma, parce qu'on a beaucoup de séries qui sont très cinématographiques aussi. Et je trouve ça bien, justement, puisque finalement, ça, qui dit Cinematic Universe, donc on va dire des univers ciblés, donc ils vont cibler aussi un public, et ça va fédérer quelque part. Alors après, on en pense qu'on veut indépendamment. C'est vrai que je ne suis pas le plus gros croqueur de Marvel qui soit, mais je trouve ça bien qu'à chaque Marvel, on a ce même public qui vient, qui grandit en plus, qui vieillit, donc qui vient partager un même truc, découvrir la suite de ces histoires-là et tout. Après, en termes de qualité, c'est très variable, hein. C'est vrai que j'ai pas un bon souvenir du DC Universe, mais c'est vrai à part Batman v Superman, pour moi, seul. Mais après, effectivement, je trouve que c'est bien, je trouve ça bien. Et Wonder Woman aussi, pardon. Oui, c'est vrai, mais je trouve que c'est une très bonne chose. Ça fait partie des nouveaux concepts de conception de films que j'avais pas vu venir non plus, parce que il y avait pas ça. Enfin, en soi, ça a été initié en 2008 avec le premier Iron Man. Oui. À l'époque, on voyait pas forcément ça venir un cinématique univers. Hein. C'est à partir d'Avengers en 2012. On s'est dit, oula, et puis là, ça a continué. On s'est dit, d'accord, on les retrouve tous dans un même truc, quoi. De base, apparemment, l'ère d'Ultron, les gens avaient dit, à mon avis, là, c'est bon, c'est la fin, ils peuvent pas aller plus loin. Si, ils vont plus loin, et ça continue, et ça va continuer. Et ça continuera encore. Et voilà. Après, je vais pas faire un procès en intelligence, machin, Marvel, c'est pas du cinéma, blabla, c'est des trucs. C'est pas le problème, c'est même pas la question. Non, parce qu'on parle pas. Voilà. Moi, au départ, là, je pensais au début, je me dis, c'est bien quand c'est bien installé, justement, Marvel, où on a vraiment pu développer chaque perso. Contrairement à DC, où on sent que c'est plus compliqué, mais c'est pas la question, en fait. Donc ça sert à rien de... Oui, enfin, c'est pas la question de, on parle pas de la qualité des films. Voilà, hein, c'est clairement. Ça, on parle juste du concept. Et du coup, non, je trouve ça très bien. De même, après, ça nous a permis d'avoir, pour moi, le vrai retour de Shyamalan avec Split, quand même. Oui, c'est et vrai, donc, j'avais pas parlé de voilà, il y a plein de réalisateurs qui font un peu leur truc. Donc c'est bien, c'est une nouvelle... Et surtout, ça fédère. Moi, au cinéma, naïvement, j'aime ce côté fédérateur. Qu'un film, on en pense qu'on veut, mais... qu'il amène un public, voilà, ça donne parfois des marathons cinéma ou des avant-premières absolument géniales en termes d'ambiance. C'est vrai que Endgame, je suis pas fou du film, mais il y avait une ambiance de feu dans la salle et c'est des gens qui ont vu ces films-là depuis 2008 et qui plus de 10 ans après, ont enfin, on va dire, la conclusion, entre guillemets, de cet arc-là. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Mais c'est quelque chose que c'est des ambiances qu'on voyait beaucoup en fait avant dans l'univers sportif, les supporters, ou dans l'univers justement du jeu vidéo, où les jeux vidéo est déjà beaucoup plus dans les sagas depuis longtemps en fait, avec des beaucoup de suites, des épisodes qui se connectent les uns aux autres avec des détails et du coup quand il y a l'annonce d'un nouveau truc, il y a toute une communauté en fait qui s'émerveille et maintenant en plus avec la grosse tendance des vidéos My Reaction To machin on commence à voir ça dans le cinéma. On a eu beaucoup de trucs par exemple aussi même avec les séries, les gens qui réagissaient à certains épisodes de Game of Thrones, alors ça donne des vidéos, c'est génial. C'est super à voir, moi j'adore. Mais c'est vrai que ce que tu dis Morgane, oui, quand t'as tout un public de cette même communauté de fans qui découvre par exemple, je sais pas, le Endgame par exemple. Oui, je pense que c'est vraiment des expériences et c'est toujours super d'avoir une salle qui réagit, d'entendre les réactions des gens dans la salle. Alors pas des salles qui réagissent à la Annabelle, hein. On n'est pas on n'est pas dans ce cas de figure là, hein. Pas l'anarchie en salle, mais les gens ouais, c'est bien fait, tu vois, il le méritait depuis longtemps, enfin, des trucs comme ça, c'est cool quoi. J'aime bien entendre ces petits trucs là quand tu vas voir un film, et c'est vrai que c'est des choses qui du coup bah forcément si on pense au Marvel Cinematic Universe, on est sur quoi, on est sur une vingtaine de films quasiment, ouais donc c'est énorme l'attachement aux personnages et tout ce qui a pu se passer en fait pendant ces 10 années de d'univers étendu. Donc forcément quand on arrive à l'aboutissement, ça crée des belles émotions, et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément vu sans justement les Cinematic Universe. Et ça porte quelque part, ça biaise un peu peut-être le ressenti sur la séance, parce que bah, Avengers tout seul chez toi, c'est voilà, mais tu vis ça en salle, c'est absolument génial. Moi j'ai un côté un peu Patrick Sébastien, c'est que de l'amour, mais moi voir un public émerveillé qui hurle, et puis enfin qui hurle dans le respect hein, bien sûr des autres, qui laisse exploser leur joie, je trouve ça fabuleux, je trouve ça génial, et je trouve qu'il y a quand même cette démarche de rassembler, voilà, je trouve que cette décennie est aussi sur le signe de rassemblement quoi, on rassemble vraiment tout le monde. Bon après ça reste assez ciblé parce que voilà les Marvel tout ça reste voilà, mais c'est une cible qui est quand même très large. Et je cite eux, mais après il y en a plein. Hein. Mais par exemple, c'est vrai que Shyamalan avec Glass, les gens ils sont. La scène déjà... post-générique. Oh ah bah la scène post-générique, on était dingue. Et on s'était tous dit, ok, d'accord, Shyamalan, bon, il est un peu mort, mais j'irai voir Glass. Et les gens ils sont allés. Bon, ils ont un peu déchanté, c'est vrai, je peux comprendre qu'on n'aime pas, bon, c'est autre chose. Mais en tout cas, je suis content que ce truc-là existe. Enfin, ça ne me dérange pas, je trouve ça bien. Mais c'est surtout qu'en plus, Shyamalan nous montre que ça peut se faire autrement que dans un univers de super-héros. Et ça peut même se faire dans des univers, hein, dans des univers un petit peu plus intimistes. Donc ça, c'est cool aussi. Oui, c'est sûr. Mais ce concept de Cinematic Universe a été vraiment démocratisé avec Marvel. Je disais avant que avant d'appeler ça les Cinematic Universe, on appelait ça les sagas. Voilà, parce que les suites de films qui sont interconnectées, ça ne date pas d'hier. Ça a vraiment été, en fait c'est quelque chose qui vient des comics clairement, et qui a été adapté du format papier au format grand écran par Marvel, et qui ensuite a été repris c'est plutôt l'appellation universe, ce qu'on aurait appelé saga avant au cinéma. C'est beaucoup plus large, c'est ça justement. Et pour moi, en fait, il faut véritablement être un architecte pour créer un bon univers qui se tient. Et pour moi, les seuls qui ont vraiment réussi, c'est Marvel. Il n'y a pas... Oui, parce qu'on dit ce qu'on veut, mais bon, Kevin Feige, il a bien rodé le truc. Enfin, il a... On aime ou on n'aime pas, mais je veux dire, c'est, tout est cohérent, donc... Oui, oui. Et ça se tient, je veux dire, faire tenir comme ça un univers sur 10 ans avec autant de films et arriver à une conclusion, peu importe qu'elle plaise ou pas, c'est pas la question, mais c'est quand même difficile de dire qu'il a merdé, quoi. Il a réussi, il a réussi en termes de cohérence et puis, ben, puis financièrement, mais je pense que oui, bon, enfin les PDG de Disney se frottent les mains, quoi. Donc, oui. C'est, il y a pas de. Ils se frottaient les mains depuis longtemps. Hein, mais... Ils se frottaient les mains depuis longtemps parce qu'ils voyaient le truc venir de toute façon. Ouais, ouais. C'est même devenu, ce qui est devenu un gimmick avec l'univers cinématique de Marvel, c'est est-ce que ce film-là va battre le record de le celui d'avant. Ouais, c'est ça. C'est plus ça. Mais oui, là, clairement, ça a été bien orchestré et ça a pris le temps de se mettre en place. Mais on voit que ça paye, au final, 10 ans ouais, après. Justement, et pour moi, les gens qui se sont lancés trop tôt, ou alors ils ont vu la mode, ils se sont dit « Ah, il faut qu'on ait notre cinématique universe, nous aussi. Ça a l'air de fonctionner chez le voisin. » Et qui n'ont pas réfléchi assez avant comment mettre tout ça en place, comment orchestrer tout ça. C'est vraiment, je l'avais dit dans un podcast assez récemment, mais c'est vraiment plus un boulot de gestion, un cinématique universe, que de... Que de création limite, hein. Vraiment, c'est enfin tu laisses les créatifs faire de la création, et c'est vraiment de la logistique, de la gestion d'humains, de matériel, etc. Vraiment. Et quand t'arrives pas à faire ça, voilà, c'est ça. Quand t'arrives pas à faire ça ou quand t'as pas planifié assez à l'avance, ça peut donner des catastrophes. L'exemple Dark Universe me vient en tête, mais il y en a d'autres. Le DC est clair, même s'il y a des bons films, le DC ça reste compliqué, hein. Le problème, c'est qu'il y a des incohérences, il y a des films qui sont clairement très très en dessous de ce qui a été proposé, et on sent que c'est écrit à la va-vite et au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qui semble préparé à l'avance, et c'est le problème. C'est vraiment le problème. Quand on parlait de Justice League. Bon, maintenant il va y avoir la Snyder Cut, tout ça, tout le monde est content, c'est bien, mais le problème de Justice League, c'est pas qu'il n'y ait pas eu la Snyder Cut tout de suite, le plus gros problème, c'est que c'est sorti avant qu'il y ait des films solo qui présentent les personnages qui étaient dans Justice League, comme ça a été fait pour Avengers. Mais le souci, c'est que Avengers avait déjà été sorti il y a 3 ans ou 4 ans, et ils se sont dit, il faut qu'on rattrape notre retard absolument. Quand ils ont sorti Justice League, le Avengers 2 était déjà sorti. Oui, voilà. Marvel avait quand même beaucoup d'avance. Voilà, c'est ça. On peut dire ce qu'on veut, mais d'ici, on sent qu'il y a aussi cette volonté de rattraper le concurrent. Hein, oui, c'est clairement... On ne peut pas le nier. Hein. Ouais, donc voilà, pour moi, vraiment logistiquement... Et Shyamalan, c'est sûr qu'il a bien fait son coup, mais pour moi, c'est plus une saga, c'est pas vraiment un univers. Parce que c'est une trilogie. Il y a 3 films. Même s'il appelle ça un univers, je ne sais pas si depuis Incassable, il avait pensé à Glass. Moi, je ne pense pas. Mais ça n'empêche pas que ça fonctionne, pense pas qu'il y avait pensé au départ. De base, il voulait faire une trilogie. Hein. Voilà, c'est ça. Il voulait faire une trilogie, il voulait faire une saga, clairement, mais pas un univers étendu où on verrait d'autres personnes avec des pouvoirs dans cet univers. Je pense pas. Et je pense pas que ce soit prévu, à moins que je me trompe. Mais bon, après, il peut toujours sortir un truc de sa besace, hein, nous surprendre, comme il l'avait fait avec Split. Donc voilà. Le Cinematic Universe, c'est une bonne invention, mais il faut savoir bien gérer et bien prévoir à l'avance, et pas faire tout. Et puis il y a Cinematic Universe et Cinematic Universe, parce que bon, clairement, Marvel. Bah, si tu loupes un ou deux épisodes, il y a des trucs que tu auras du mal à capter. Moi, je trouve. Hein. Et par contre, c'est vrai que je pense notamment tout ce qui va être un peu plus lié à Conjuring, par exemple. Là, on voit bien que... Oui, c'est vrai, j'avais oublié Conjuring. Il y a des petits détails, notamment dans les suites d'Annabelle, qui tendent à... Ah, mais fais gaffe, ce personnage-là, on l'a déjà vu là. Mais c'est subtil, mais on sait que c'est lié, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà. On va passer à justement parler de suite. On parle du retour d'anciennes franchises, les remakes, les reboots, les suites directes, etc. Donc pour introduire tout ça, les remakes et les reboots, ça date pas d'hier non plus. Ça, c'est pas dans la dernière décennie que ça a été le plus fait, même, je trouve. Mais on a vu quand même pas mal d'anciennes franchises revenir, avec d'énormes promesses pour les fans qui n'en pouvaient plus d'attendre. Ça a pu comme Mad Max, comme Terminator. Si Terminator n'était jamais vraiment parti, parce que le 4 était sorti. Et au final, il y en a toujours eu plus loin. Moi, je trouve quand même que sur toutes les franchises qui sont revenues, aucune n'était attendue. C'est que, je prends le cas de Star Wars par exemple. Est-ce qu'on attendait tous le retour de Star Wars ? Non, mais quand on l'a annoncé, on s'est dit chouette, c'est tout en fait. Jurassic Park, c'est pareil finalement. On n'a jamais compté là-dessus, c'est juste qu'ils nous l'imposent. Moi j'ai toujours attendu une suite à Jurassic Park, parce que depuis le 3, en fait, il y en avait un 4 d'annoncé. Et ça ne se faisait pas, c'était, ça revenait, ça repartait. Et quand ça a commencé à s'officialiser, pour le coup, c'était plus que chouette. Mais après, c'est parce que je suivais l'actualité du truc. Voilà, le public lambda n'a pas forcément vu. Morgan parlait plus du public lambda. C'est ça. Pas des fans de ces sagas, quoi. Les fans de Star Wars, je pense qu'ils s'attendaient à autre chose. On a eu des beaux cadeaux empoisonnés, on a les visiteurs 3. Bien sûr. On voulait pas aller après. Moi j'adore le 2, mais je voulais pas le 3. Oui. On a eu. Je voulais en parler justement, c'est la bonne plateforme pour en parler. On a eu Prometheus, qui est une préquelle. Et pour le coup, on est sur une saga ou sur un univers ? Pour moi, on est sur une saga, on n'est pas sur un univers. Oui, c'est une saga. Oui. Donc, Prometheus, qui est une préquelle à Alien, faite par le réalisateur de Alien de 1978, donc Ridley Scott. Beaucoup ont été énormément déçus, ce que je peux comprendre. Moi, c'est un film que je continue à défendre, même si bien sûr, il a des problèmes. Après, je défends beaucoup moins la suite, qui est vraiment une énorme merde, qui est Alien Covenant. Il y a eu beaucoup de... En fait, ça a été... On sent que le pouvoir dans les studios hollywoodiens est passé vers les personnes qui ont grandi dans les années 80. Et du coup, ces personnes se sont dit « Ah ben si ce film, ce film que j'adorais quand j'étais enfant, si je produisais une suite ou si je produisais un remake, ce serait pas mal. » Et du coup, on a eu vraiment beaucoup de retours de franchises dans les années 80-90 durant cette décennie. Et réalisé justement, comme tu le dis, par des fans. Par des fans, à part Ridley Scott, qui est peut-être fan de son propre travail, mais. Comment ? À part Ridley Scott, qui est peut-être fan de son propre travail, ce que je crois pas. Oui, mais je veux dire, quand tu penses à Star Wars 7 et 9, c'est réalisé par des mecs qui ont grandi avec Star Wars et qui ont forgé une partie de leur cinéphilie avec Star Wars aussi. Et pour le coup, c'est des gros films de fans, quoi. Oui, c'est sûr. Je peux pas, même si je les aime bien, je peux pas m'enlever ça de la tête. Donc, J.J. Abrams, il a surtout fait des films de fans, de toute façon. Et quand il n'était pas fan, quand par exemple il faisait Star Trek, il n'était pas fan à la base, et finalement il fait des plutôt bons films. Donc, il est plus intéressant quand il est moins fan, au final. Voilà, c'est ça. du coup, toi, Morgan, tu penses quoi du coup ? Enfin, on en a quand même. Je trouve qu'on était beaucoup plus dans cette période de remake, reboot, début 2010. Là, il y en a quand même un peu moins, je trouve. Il y en a. Mais il y en a beaucoup moins, parce qu'on se rappelle au tout début de la décennie 2010, c'était du Total Recall. Il y avait énormément. J'ai un souvenir de. On parle que de reboot ou de remake. Et toi, tu en as pensé quoi du coup sur l'ensemble de cette décennie ? Est-ce qu'il y a des reboots ou des remakes qui t'ont vraiment marqué ? Mad Max, forcément, Mad Max Fury Road, qui est un peu l'exception, qui confirme un peu la règle. Ouais. Et dans une moindre mesure, quand même, Star Wars, Le Réveil de la Force, et Les Derniers Jedi, que je déteste pas véritablement. Et pour le coup, là, je ne sais pas si je peux parler un peu des suites, mais on va dire... Oui, la, tu peux parler des suites, oui. Bah, finalement, les classiques James Bond quand même, hein, Skyfall qui était évidemment sublime, mmh. qui a été un des trucs les plus forts et tout. Mais après, moi, je suis un peu mitigé parce que par rapport aux sagas qui reviennent, moi, il y a un truc qui me désole en fait. Pour moi, ça a été un peu la décennie de la désillusion totale, de la déception et voire plus grave encore, du désintérêt total. Parce que pour décider de faire revenir Star Wars au cinéma, quand tu fais revenir une saga qui est autant installée, tu cherches à convaincre un public déjà de donner de voilà qui est de fans, mais tu cherches aussi à faire intéresser des nouveaux visages, des nouveaux spectateurs. Mais c'est super compliqué, hein, comme mise en œuvre. C'est très compliqué parce que dans le cas de Star Wars, tout le monde a sa mythologie Star Wars, tout le monde. C'est une saga qui n'appartient plus à ses créateurs. C'est chacun se l'accaparer, on en fait ce qu'on veut. Maintenant, c'est vrai que alors là, dans le cas de Star Wars spécifiquement, bon là c'est un problème interstudio parce que bon entre le 8 et le 9, il y a eu des accords, tout ça c'est compliqué, mais aujourd'hui, on est quand même passé de... Moi, je me souviens de l'année 2014 où même Jurassic World qui n'a pas convaincu tout le monde... C'était 2015. Non, mais le trailer de 2015... Le trailer est arrivé en novembre 2014. Je me souviens bien. De même pour Star Wars. On était dingue. Et je peux pas m'empêcher parfois d'aller revoir sur YouTube le tout premier trailer de Réveil de la Force. Qui était vachement bien. La hype était présente quand même. Le frisson. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste ? Rien. Vraiment rien. Et même les fans, je prends exemple Axel, qui est fan de Star Wars, le poteau Fabien, Team Cinefuzz, qui adore Star Wars, il m'a dit mais honnêtement, je m'en fous de Star Wars aujourd'hui. Si vous écoutez les podcasts, les premiers podcasts en 2013, 2014, où j'étais vraiment extrêmement fan. On peut sentir dans Star Wars et à fond dans Marvel, et c'est vrai que c'est ça. Et vous sentez la désillusion au fur et à mesure, des déceptions. Vrai. Mais ça c'est dommage parce que on n'a pas eu, alors à part Fury Road qui est quand même un grand film qui pour moi restera, est-ce que on se souviendra de Star Wars le Réveil de la Force, peut-être pour l'attente que ça a suscité mais pas en tant que film. Je pense que le 9 on s'en rappellera pour la déception. Ah mais carrément, c'est ça. Moi j'y croyais plus déjà donc. Et par exemple même Jurassic World qui est un film que je déteste pas néanmoins, qui est un bon divertissement, mais quand on a un retour comme Jurassic World, on espère, même si c'est impossible, d'avoir un truc de la trempe de Spielberg. T'es un truc qui te marque autant. Moi, je m'attendais pas à avoir un truc de la trempe de Spielberg. Enfin, moi, c'était impossible. On s'y attend, mais qu'on l'espère. On l'espère un minimum. Honnêtement, on a eu. Allez. Jurassic World, on savait pas de quoi était capable. En plus, le réalisateur, il avait fait qu'un film avant, donc c'était quand même compliqué. Bah, au mieux, on a eu des films sympathiques, vraiment des bons divertissements, mais on n'a pas eu des chefs-d'œuvre. Alors, je dis pas qu'un film doit marquer le cinéma pour pouvoir être bon, hein, c'est pas ce que je dis. Mais c'était des trucs comme ça, c'est vraiment ce qu'on attend. Et malheureusement, dans la décennie 2010, les films qui vont rester, qui pour moi sont restés, même des films que je n'aime pas, mais que je vois un petit peu sur Internet, c'est pas des suites de franchises. À part, peut-être Blade Runner 2049 qui plaît, mais bon, voilà. Mais c'est pas Avatar quand même, qui t'a parlé de 2010. Enfin, de cette décennie de 2009 à 2010. C'est pas une suite. Hein. Oui, dans les suites qui vont rester. Dans les films qui, à part Fury Road et peut-être Blade Runner 2049, que je déteste Blade Runner 2049, mais je sais que ça reste. Personne ne dira ah ouais putain l'épisode 7 de Star Wars putain grandiose je m'en souviens. Et c'est dommage que pour moi ils ont raté le coche parce que ils n'ont pas réussi à réintéresser des nouvelles personnes et ils ont déçu non seulement, mais ça c'est normal, mais ils ont complètement désintéressé. Il y a des gens qui disent aujourd'hui je m'en fous de Star Wars, j'y crois plus. C'est vrai qu'honnêtement, je pense que les gens, par rapport à Star Wars en tout cas, moi je sais que j'aurais été beaucoup plus marqué par Rogue One par exemple, que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant et beaucoup plus dramatique, et là récemment The Mandalorian qui pour moi est vraiment un bon ajout à l'univers Star Wars, et pour le coup ça me marque carrément plus que les trois épisodes canon sortis au cinéma parce que c'est vraiment du renouveau pour Star Wars, je trouve. Et sur toutes les franchises, par exemple, bon, des trucs qu'on n'a rien demandé, comme, je sais pas, Terminator, enfin, je veux dire, Terminator, ils n'ont pas compris, ils ont fait l'erreur deux fois, hein, quand même, hein, deux fois. Ouais. Tu te dis, non, mais attends, c'est un. Je pense qu'ils ont produit les pires Terminator, alors que franchement, le 4 était vraiment à battre, quoi. Mais le 5 et le 6 sont des purges immenses, alors que à chaque fois, on avait James Cameron, c'est mon Terminator préféré. Ouais, regardez ce Terminator. Tu vois, vraiment, tu sentais le flingue pointé sur sa tempe s'il disait. Mais c'est pas le pire. Hein. Pour moi, la pire suite vraiment de la décennie, c'est le Die Hard. Le Die Hard. Mais oui, Die Hard 5, le Die Hard 5. 2. Honteux, le 5. Mmh. C'est honteux, c'est horrible. Enfin, je veux dire. Et le problème, c'est que c'est des films qu'on ne demande pas. On ne demande pas. Parce que voilà, je pense que les films sont. Ces franchises-là, voilà, il faut qu'on en garde le souvenir qu'on en a. Et c'est comme ça que. Mais on n'a pas besoin de suite. Et on nous les impose. Donc on va aller voir parce qu'on est un peu curieux et un peu maso quand même. Et du coup, bah, on en vient à ce. Enfin, voilà. Après, toute proportion gardée, j'ai bien aimé le Star Wars, j'ai bien aimé le 8. J'ai adoré le 8, par exemple. Mais je reconnais que... Moi, j'aime beaucoup le Star Wars 8 aussi. Moi aussi, mais bon... Mais je le vois pas comme un film marquant. Je trouve que c'est un bon Star Wars, moi, qui amène des choses aussi. Mais quand je le compare à d'autres trucs Star Wars récents, c'est vrai que non, ça m'évoque moins The Mandalorian. Moi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant pour le coup. Et ouais. Après, moi, la dernière chose qui me pour moi, c'est le truc qui me saoule totalement, et on va y avoir le droit, et je vais même prendre un pari, vous allez voir. Moi, c'est les suites directes qui font tabula rasa des autres suites, quoi. Je veux dire, bon, ils ont fait le coup avec Terminator Dark Fate, horrible. Ouais. Le Halloween, franchement, le Halloween pas spécialement dispensable. Moi, je trouve nul. Hein. Et après, je vais faire une exception parce qu'il y a une suite qui est brillante et je vais en parler parce que voilà. Mais vous allez voir que Star Wars, ils vont nous faire le coup. Mm. Ils vont faire le coup. Ils vont faire le coup. Ils vont effacer après le. Tu penses Ah oui, mais oui. Non, mais non, oui. non, ils vont. Ils feront pas table rase parce que s'ils sont malins, ils feront pas table rase. L'univers est assez vaste pour pas faire table rase. Par contre, en termes de suite, alors là, je suis dans le négatif, mais là, je vais être dans le positif. Il y a une suite de films quand même qui est brillant et paix à son âme, c'est Scream 4. Scream 4, sorti en 2011. Alors là, je fais juste une petite parenthèse sur le film, et je l'ai revu il y a deux jours, et pourquoi il est brillant. Déjà, tu te rends compte que Wes Craven, c'est un génie qui non seulement a compris vraiment les codes du cinéma, de son propre cinéma, mais aussi les codes sociaux, parce que Wes Craven, c'est quand même un mec qui filmait l'adolescence avec une perspicacité. Il était extrêmement malin pour capter les mots et non, mais le premier, non, c'est vrai que le premier Scream là-dessus, il est redoutable hein, quand même. Mais le 4, il est aussi brillant. C'est à la fois, c'est un truc, c'est hyper teenage et c'est presque mignon en plus. À des moments. De même pour, c'est mais très, de même pour c'est très de candide nuit, hein. Et en même temps, il arrive à amener comme ça le gore et tout. Et là, c'est vrai que dans le 4, il réinvente tout ça de manière plus moderne encore. Oui, tout le monde a un portable, ça se filme partout. Et les codes, oui, il a bien conscience que de toute façon les codes ont changé. C'est vrai que le 4 est bien, c'est une bonne suite. Ouais. Et sur Scream, là où le 4 est brillant, c'est que il est sorti en 2011. Donc on te montre, alors pour ceux qui n'ont pas spoilé, je vais pas dire qui est le tueur, mais le tueur du film dit je ne veux pas des amis, je veux des fans. En gros, tout passe par le côté hyper connecté. En 2011, ce qui les réseaux sociaux, encore, c'était non, pas non, encore. Non. En 2020, avec les TikTok et les autres merdes là qui déboulent, on est en plein dedans. Le mec, 10 ans avant, il avait compris la génération actuelle et ce qu'on allait devenir, et ça c'est génial. Et en plus de ça, à travers un film, déjà la scène d'intro est grandiose. Voilà, ça je ferme la parenthèse. C'est vrai que Scream 4 c'était top, et pour le coup là ils vont faire Scream 5 avec, à mon avis, ils vont nous ramener toute la clique de Riverdale, on va bien pleurer nos races parce que, franchement, ça va être horrible. Il y a vu la série aussi sur pas Netflix, MTV. Mais Netflix, ouais, mais qui avait dû être acheté par Netflix, voilà. Je crois, mais sur ça qui est voilà, toujours en suspens hein, d'ailleurs hein, on sait pas où ça va. Et malheureusement, dans le cinéma d'horreur, on a eu aussi des trucs qui ont tiré la corde. Paranormal Activity, je trouve que sorti en 2009, mais le premier était très bien. Le 2, regardable, et après, ça se barre en couille. Et après, on a eu le Conjuring Universe. On refait un petit parallèle avec le truc d'avant. Mais voilà, là, c'était à chaque fois le film de trop. Et je pense que dans les suites, remake, reboot, c'est toujours le truc de trop. Il y a parfois les reboots qui sont des bonnes idées sur le papier, mais mal exécutées, comme le dernier Chucky en date, c'était intéressant à faire, mais c'est très mal branlé. Voilà, c'est en dents de scie hein, de toute façon. Hein. Il y a eu des bonnes choses, mais voilà, des très mauvaises choses, quoi. D'ici que Nolan nous fasse pas, et ça je l'attends, je me dis, si ça se trouve, Tenet, ça va être le même univers qu'Inception, vous allez voir. Donc, j'ai pas c'est vrai que les liens. Bon, s'il va par là, Interstellar est déjà pas mal dans ce niveau-là aussi. Et d'ailleurs, en termes de suite, voilà, bon, autant je sauve Scream 4 et je sauve aussi Skyfall, hein, y a eu des bons trucs, hein, là, pour le coup. Il y a eu quelques bonnes suites, on va dire. Moi, je voulais reparler rapidement des remakes ou des reboots qui vraiment n'ont pas fait date. Que ce soit de Robocop en passant par Conan, c'est vraiment les franchises marquantes des années 80 qui ont été refaites, mal faites. Je parle aussi du SOS Fantôme que je sais que tu aimais. Eh oui, c'est vrai. Mais que personne... On l'attendait pas, hein, le SOS Fantôme. Mais personne n'attend ces films, en fait. C'est ça le souci, Ocean c'est ce que tu disais, 8, Morgan. Oh là là. Voilà, Ocean's 8, bon, même si c'est. Eh oui, ouais, c'est vrai. C'est aussi un remake. Donc, pour moi, le seul qui a vraiment réussi, on en a pas parlé encore et je suis assez content, le seul univers qui a réussi à correctement son reboot dans cette décennie et qui a peut-être sûr. Fait mieux, c'est La Planète des Singes. Évidemment, on n'en a pas parlé, singes. Mais c'est vrai. C'est vrai, j'ai oublié. Oui. Les origines, les trois films, je les on trouve. On est sur très... une trilogie qui est cohérente, là. Qui est cohérente, qui est bonne. Et qui est cohérente avec les anciens films. Aussi, et qui apporte quelque chose technologiquement qui était vraiment ouf aussi. Ouais. C'est quelque chose qui a vraiment bien fonctionné. Même au niveau du box-office, ça fonctionnait bien. Et donc, pour moi, La Planète des Singes, c'est vraiment le truc le plus cohérent qui est sorti de cette décennie. Mais c'est vrai que oui, si on doit choisir une saga des années 2010 qui reste cohérente et pertinente, je pense que celle-ci se place vraiment au moins dans un top 3, quoi. Parce c'est que, clair. Oui, quand tu es très objectivement, c'est vrai que... Et je pensais pas dire ça un jour, mais je préfère la saga La Planète des Singes à Star Wars, les trois derniers films qui sont sortis. Voilà. Oui, parce qu'il y a une vraie volonté derrière de... Et puis, je sais pas, mais émotionnellement, je me sens plus investi dans La Planète des Singes que dans Star Wars. Mais César, il est hyper touchant. Hein. Moi, le premier, il y a de très belles scènes dans le premier. Avec James Franco aussi, qui est vraiment très bon dans le film. Et le dernier, Suprématie, moi, je suis désolé, mais c'est touchant, quoi. Mais on aura le droit à une suite. Si elle est du même acabit. La conclusion est très bien. Elle ne sera pas. Hein. Et par contre, il y a un truc dont on ne parle pas. C'est pas vraiment des suites et tout, mais c'est aussi toutes les nouvelles sagas qui ont émergé, les sagas pour ados. Oui, alors moi j'aimerais bien faire juste une petite parenthèse en termes de suites. Vas-y Morgan, et après on parle des sagas pour ados. J'ai oublié pour moi la trilogie quasiment parfaite, la nouvelle trilogie Mission Impossible. Là pour le coup, la Mission Impossible, c'est du high level quoi, en termes d'action. Donc, Protocole Fantôme, Rogue et. Fallout. Fallout. Pour moi, c'est devenu. Alors, le point culminant, ça reste quand même Mission Impossible le 4. Après, c'est du bonus. Moi, je préfère le 5. Bonus. Alors que j'adore le 4, hein, mais je préfère le 5. Et le 5, il est complet. Parce que de toute façon, le 5 ne pourrait pas exister sans le 4 façon. Oui. Et une bonne suite. Brad Bird. Une bonne suite avec les Indestructibles. Que j'ai un peu oublié, mais. Ah non! Mais qui était bien. Ouais. Non, mais je l'ai oublié, je m'en souviens plus trop. Tu mais peux c'est pas oublier vrai, Jack et le raton laveur, Morgan. Mais c'est vrai que Mission Impossible aussi. Mais le truc, c'est que tu vois, c'est une saga qui a commencé, même si. On peut quand même penser comme un petit reboot, parce que le dernier en date est daté de 2005 quand même, et après il est sorti en 2011. Ouais, mais c'est toujours des personnages qui évoluent avec leur histoire d'avant, donc c'est pas vraiment un reboot non plus. Toujours le même Ethan Hunt que celui de Mission Impossible de De Palma. Parce que dans le 4, on nous dit quand même qu'il était marié dans le 3 et puis il a perdu sa femme et tout, je sais pas quoi. Dans le 3, il est marié, on le voit, hein, marié au début. Hein. Ouais. Et donc, Mission Impossible fait partie de ces sagas qui. Heureusement quoi. Qui ont vraiment continué dans le meilleur, clairement. D'ailleurs, en termes de saga pour ados, celle qui a terminé en Destiny 2010, c'est Harry Potter. Ça a été la fin d'Harry Potter. Hein. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. C'est plus qu'une saga pour ados, je pense. C'est trop large. Ados, jeunes adultes, c'était les jeunes adultes à la fin qui étaient là. On a commencé, on était petits et ça s'est fini, on était grands. Hein, Oui, c'est sûr. Et du coup, on a eu des autres. Il y a Hunger Games, il y a Percy Jackson, il y a. Divergente qui n'a même pas eu sa conclusion. Le labyrinthe. Divergente, il n'y a jamais eu la fin en plus. Le labyrinthe, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, Twilight! Twilight aussi. Ah, bah quoi que, non, ça a dû se finir début 2010. Ah, juste, ça avait commencé X-Men, en 2000. Bien. Voilà, les X-Men, parlons-en. X-Men aussi, oui. Mais... Ah oui, on a eu des bonnes suites, X-Men. On trouve des bons trucs. Hein, le problème, c'est qu'il y a eu Dark Phoenix, quoi, qui a tout niqué. Mais, On a dit qu'il y avait eu des bonnes suites, on n'a pas dit que c'était toutes bonnes. Même Apocalypse était bon, je ne sais pas ce que les gens ont avec ça, mais en tout cas, il était bon. Mais ils ont réussi à finir la trilogie sur Logan en apothéose. Bon. Non mais on est content parce que on est tous les trois d'accord sur Apocalypse, donc c'est quand même quelque chose qui est assez rare. De défendre Apocalypse. On continue de défendre. Et Days of Future Past en Rogue Edition par contre. Ouais. J'ai toujours pas vu en Rogue Edition. Ah ben oui, mais elle est carrément meilleure. Ouais. Le bon, la version ciné est super. La version cinéma, moi, la Rogue Edition est encore meilleure. Voilà. Ouais. Non mais c'est on a eu du très bon. Hein. On a eu du très bon. Donc. Et le Logan avec Hugh Jackman est très très bon, je trouve. Même si c'est un peu à part, mais c'est vrai que c'est. Pour moi, ça reste le troisième des Wolverine quand même. Oui, mais plus tu vois, il est plus âgé, etc. Enfin, je trouve que même au niveau de comment dire de l'ambition du film, c'est clairement pas la même chose que les deux premiers, quoi. On est clairement sur quelque chose de plus, on est plus qu'un film de super-héros. Oui, donc, oui, on est pratiquement sur un film d'auteur. Limite, hein, franchement. Mm-hmm. Ouais, donc voilà. On va passer rapidement à l'autre dernière catégorie sur la production des studios de cinéma, qui sont les effets spéciaux numériques de plus en plus présents. On n'en a pas vu tant que ça Attends, on est quand même dans le full maquillage partout et dans les il y a des maquettes, il y a des animatroniques, tout. Exactement. Ça, les animatroniques, ça n'a pas disparu du tout. Non. Mais du coup il fallait en parler parce que les années 90 ont quand même amené quelque chose qui était bien quand c'était fait sur Terminator 2 et Jurassic Park, mais ça a amené pas mal de merde aussi quand on parle de CGI, plutôt d'effets spéciaux numériques faits par ordinateur. Il y a des bons films qui ont été faits avec, il y a des très bons effets, mais il y a aussi pas mal de choses pas mal de choses qui sont assez horribles. Le problème qu'on va l'évoquer, on a marqué, c'est pas les effets spéciaux numériques qui nous dérangent particulièrement, c'est le fait qu'il y a plus que ça quasiment. C'est ça. Qui pose souci en fait. Dedans, on a marqué aussi ce qui arrivait un peu plus tard dans la décennie 2010. C'est plus récent, on en parlera un peu après. Les rajeunissements des acteurs et la recréation d'acteurs qui sont malheureusement disparus, soit pendant la production du film, soit après la production des films. Donc on parlera principalement aussi de Star Wars encore, bien sûr, puisque c'est le sujet qui nous met la passion au cœur, j'ai envie de dire. Donc, au niveau des CGI... Parce que malgré tout, on a beau dire que les trois Star Wars ne nous ont pas marqués, mais ça va faire quand même plus de 5 ans qu'on en parle. De toute façon... Oui, et on en parlait avant que ça sorte. Oui, voilà, mais Star Wars, même si les mauvais épisodes, ce que les gens pouvaient considérer comme les mauvais épisodes, ça continue de faire parler, même... Même quand ça rayonne plus, ça c'est ça, plus exactement. Donc... je pense que on a amené les années 2000 ont été un pivot en termes d'effets spéciaux numériques, puisque dans les années 90 on utilisait quand même plus d'effets spéciaux réels, maquillage, tout ça, que de CGI. C'était un peu le début balbutiant, et du coup on avait peur de qu'on voit les défauts, ce qui était souvent le cas. RIP Spawn, parti trop tôt, et d'autres films, il y en a trop pour les citer. Et du coup les années 2000, c'était un peu le cul entre deux chaises. C'est la période métisse, je trouve. En fait, oui, mais parce que t'avais encore un peu de trucs à l'ancienne, et puis t'en avais qui commençaient à faire des vrais effets spéciaux. Et c'est vrai que des fois, on avait le juste milieu en fait dans les films. Le juste milieu parfait qu'on cite tout le temps, c'est le Seigneur des Anneaux, voilà. qui date de 2001, le premier. Et pourtant, qui débute décennie 2000. Donc voilà, on est ça. Dans l'héritage direct des années 90 là. C'est ça. L'arrivée, Weta Workshop, qui ont fait les effets spéciaux, sont vraiment des très bons faiseurs d'effets spéciaux. Et du coup, ils ont réussi à gérer la balance entre les deux parfaitement. Ils ont su que y a certains effets, on arrivera mieux à ils paraîtront plus crédibles s'ils sont faits par ordinateur, que par exemple Gollum, plutôt que bah, des orques en 3D, ça rend moins bien que des orques faits avec du maquillage. Surtout sur des grosses batailles armées, tout ça, c'est, voilà. Et du coup, la décennie 2010, on en voit vraiment de, même la fin des années 2000, clairement, on en voit de plus en plus des films complètement tournés sur fond bleu, fond vert, comme vous voulez. Et c'est un peu... c'est un peu la décrépitude des animatroniques, des maquillages, de tout ça. On en fait de plus en plus du numérique qui, enfin, d'après les studios, ne se voit pas trop, pour le grand public, ne se voit pas trop à l'œil nu. Pour des gens qui sont habitués à voir des effets spéciaux numériques, des cinéphiles, ça, personnellement, moi, je le vois, on le voit encore clairement. On est arrivé. On va en parler après. Et on n'est pas à la loupe en train de scruter l'image. Donc, c'est ça. Hein. Mais il y a toujours des défauts que, enfin des défauts et des, j'ai envie de dire, trop de perfection tue la perfection. C'est ça. Et ben on arrive au alors au sauf Rognon. Sur la planète des singes. Mais c'est sûr. Mais la planète des singes, c'est pas entièrement tourné sur fond vert. Il y a quand même des vrais décors. Non, il y a des vrais décors, mais c'est vrai que moi je pense qu'arriver à un tel détail sur la fourrure des primates, on est quand même sur du très haut niveau là de maîtrise. Oui, bien sûr. Et amour de Michael Haneke, c'est des vrais dinosaures. Hein. c'est exactement. Ce sont de vrais rides. Oh finesse, c'est horrible. En pensant, oh, putain, le film m'a déprimé. Bref, je l'ai revu en plus récemment. Oh, donc, pourtant, il est très joyeux. Oui, c'est bien. C'est un film très positif. J'ai vu ça 2 semaines après la mort de ma mère. Ah, c'est bien. Ah, c'est parfait. C'est la période rêvée pour voir ce genre de film. Non, mais ça m'a rassuré parce que je me suis dit, ma mère aurait pu partir dans ces conditions. Ah, mais en fait, non. C'est super. Bah, c'est vrai ça. Finalement. C'est, moi, c'est totalement vrai. Bah oui, à la place d'Isabelle Huppert, je me dis la pauvre quoi. Ouais, du coup, Morgane, toi, les effets spéciaux numériques, de plus en plus présents, et la disparition surtout des effets spéciaux, ce que j'appelle mécaniques ou réels. Practical effect, parce qu'il n'y a pas vraiment de mot en français pour ça. T'en penses quoi ? Tout dépend du genre de film en fait. Oui. C'est-à-dire que quand c'est des films d'horreur, effectivement, je me rends compte que la plupart des films d'horreur que j'aime, c'est des films d'horreur avec du maquillage, quelque chose de très artisanal. J'ai pas du tout aimé le remake d'Evil Dead par exemple, qui était beau, mais bon, ça m'a rien procuré. Je n'ai pas aimé les films ça parce que c'était que du numérique. Bien fait, effectivement, c'est joli, mais ça me fait pas peur. Mais ça fait pas peur en fait. Mais ça fait pas rien. Réaliste. Ça me fait rien. Voilà, c'est ça. Après, dans des films comme des gros blockbusters, c'est vrai que je suis un peu habitué à ce que donc en général, j'avoue que quand je regarde, je me suis refait les James Bond, hein, on les regarde avant, bon, avec quand il conduit la voiture, on voit le fond vert derrière. Là, c'est vrai que mais ça a tellement de charme ça, je trouve. Ça a du charme. C'est vrai, hein, quand même. Dans les vieux Hitchcock et tout ça. Décors qui défilent, la maison du docteur Edwards dans Hitchcock, enfin c'est génial, les scènes de ski. Ça fait partie du charme old school, voilà. Après dans les blockbusters, c'est vrai que j'aime bien, surtout que maintenant on sait qu'ils mettent quand même le paquet en termes de budget. Maintenant on est un peu plus critique, je trouve, envers les blockbusters, parce que la moindre faille visuelle on la trouve et on est sans pitié, parce qu'on se dit attendez, avec voilà. Après il y a les mêmes qui sont sortis de Thanos, Sonic pas, voilà. Par exemple. Ouais. Pour parler des deux gros trucs qui sont sortis ces dernières années. Enfin, et d'ailleurs, le cas Sonic va répondre à un cadre qu'on va aborder après, d'ailleurs. Oui. Après, le numérique, tout ça, quand c'est au service de quelque chose, je prends un exemple. Cette décennie, je suis allé là où je ne suis jamais allé, aussi bien dans ma vie qu'au cinéma. Je suis allé dans l'espace en 2013. Allé dans l'espace grâce à un mec qui a complètement transcendé le truc avec son côté photoréaliste et tout. Enfin, ça a été tellement. Après, c'est le travail et du réalisateur et du directeur photo, évidemment. Bien sûr, le numérique est au service de ça, vraiment, j'y vois aucun problème, quoi. Maintenant, si c'est juste pour servir de la bouillie, comme bien souvent, comme un épouvantable cache-misère, effectivement, ça a tendance un peu à me gonfler, quoi. Par exemple, le cas de Star Wars, on en pense qu'on veut du 7, c'est magnifique. Le 7 est beau. Bien sûr. C'est très beau. Ouais. Le 8 aussi. Hein. Les scènes spatiales du 8 sont très très belles. Hein. Voilà. Même moi, je pourrais défendre encore le 9 sur certains choix, parce qu'ils utilisent encore un petit peu des effets practical. Mais je suis pas, honnêtement, je suis pas persuadé que c'est ce qui soit reproché de toute façon à cette dernière trilogie Star Wars. Non. Autant c'était le cas sur la prélogie, hein, bien sûr. Ouais. Mais par contre, sur la dernière, honnêtement, j'ai pas vu de faute visuelle particulière. Hein. Non, c'est vrai. Après, sur les effets spéciaux, sur tout ce qui est, par exemple, l'apparition, enfin l'avènement des effets spéciaux, ça fait que certains films qui, par exemple, usaient du maquillage, je prends un cas concret, Cloud Atlas, a été défoncé. Alors déjà, parce que déjà c'est totalement voulu parce que ça correspond à un truc, voilà. Mm. Mais ça. Mais c'est oui. Puis Cloud Atlas, c'est tellement. On en parlera après. C'est un film queer, quoi, Cloud Atlas. Vraiment. C'est se réinventer soi-même, tu peux être tout ce que tu veux, enfin c'est vraiment et c'est tellement en phase en plus avec les changements enfin c'est un film transgenre, Cloud Atlas. Mais oui et malheureusement voilà, c'est bon, les gens ont peut-être pas pigé comme ça, même moi à l'époque, hein. mais en tout cas j'ai aucun problème avec les effets spéciaux numériques, faut avancer avec son temps, hein, il y a pas de souci, mais faut que ce soit au service de quelque chose. Par contre, quand c'est au service de rien comme le Roi Lion, si c'est juste c'est pas au service de rien, moi je suis désolé, hein. Voir la girafe qui fait caca et le bousier qui ramasse, pour moi c'est très important, c'est le cycle de la vie, Morgane. La souris qui marche pendant 5 minutes au début du film, là, voilà, hein. Exactement, pour finir dans les griffes de Scar, c'est le cycle de la vie, c'est très important d'insister sur ces scènes là voilà, mais c'est le genre de cancer cinématographique. En revanche l'animation, alors là, qui a été à un niveau tel, Toy Story 4 je suis un peu mitigé, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique, mais qu'est-ce que c'est beau. Zootopie quand même, et c'est qu'au départ, bon, c'était Pixar, mais maintenant Disney rattrape Pixar. J'ai la Reine des Neiges 2, même réponse, hein. Il a vieilli, réponse, moi, je oui, trouve. Hein. Oui, on oui, le sent. Mais c'est vrai que La Reine des Neiges 2, c'est des ambiances, c'est de la folie. Hein. C'est vraiment très, très bon. On voit le flocon. Mais après, sur les films, par exemple, d'action, j'avoue que j'aime toujours le côté. J'aime le numérique, mais j'aime quand c'est. Bah, je parlais de Mission Impossible. C'est un mix des deux. Déjà, c'est lisible. Et deux, c'est un mix des deux. On sent. Ce que j'aime aussi, c'est. Moi, c'est plus que les effets numériques, c'est plutôt le fond vert, quoi. Quand je sens pas le décor, quand je sens pas le truc. C'est Mission Impossible, c'est pour ça que j'aime. Je voyage. Quand Tom Cruise, il est à Dubaï, il est vraiment à Dubaï. En plus, il fait sa cascade. Je sens, c'est pas juste voilà. Il se pète le genou, mais ça sert à l'immersion. Voilà. Et après, quand c'est que du numérique, par exemple Avatar, mais c'est une mythologie. Mais c'est un voyage, mais c'est de la fantasy. Enfin, c'est de la science-fiction. Voilà. Mais ça, faut être. Voilà, je pense qu'il faut des auteurs. Et quand t'es un faiseur et puis que voilà, tu donnes tout plein d'argent et juste des décors, le mec qui fait. Par contre, il y a eu le cas Spielberg avec la performance capture ou la motion capture. J'ai toujours du mal avec les deux. Avec Tintin, c'est la performance, c'est ça. Bah avec Tintin, pour le coup, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est une nouvelle perspective de concevoir un film. C'est une dynamique, c'est un truc qu'on ne pouvait pas faire en film live. Et du coup, ça sert complètement. C'est un film d'animation, mais c'est pas vraiment un film d'animation non plus. Voilà, c'est un film. Oh merde, je fais tomber tout moi. C'est un film live. Enfin, c'est un film d'animation avec une dynamique. Enfin. Ça a réinventé quelque chose. Quelque part, ça a réinventé un truc et oui, ça n'a pas dénaturé. Quand on parlait du jeu. Roi Lion, c'est pas eux qui ont inventé ça. Hein. C'est... Bah non. Mais ça c'est pour moi, le Roi Lion, c'est un film d'animation. Hein. Bah ouais. Voilà. Alors que moi, on me dit ouais, Tintin, c'est. Bah non, Tintin, c'est du film. Bah ouais, mais c'est du dessin animé. Non, c'est pas du dessin animé. On voit les. Enfin, on les reconnaît pas parfois, mais on voit le jeu des acteurs. Ça n'est pas dénaturé. Et ça sert à une mise en scène. Enfin, la course-poursuite à la fin, c'est un plan séquence qu'on ne pouvait pas faire. Tu regardes les live. Yeux de Haddock. Tu vois Andy Serkis. Carrément, voilà. Ah, si. Et même à l'époque de King Kong, hein, on voyait un peu. Voilà. Bien sûr, King Kong a des mimiques de Andy Serkis. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que César. Kong est. C'est d'ailleurs pour ça que Kong est aussi touchant aussi, hein. C'est parce que il est crédible, donc. Voilà. Et donc quand c'est au service de quelque chose, quand c'est, il y a pas de problème. J'ai aucun problème avec le numérique, avec tout ça. Malheureusement, dans la balance, il y a plus de négatifs. C'est plus utilisé pour les mauvaises raisons dans des mauvais films que voilà. Il y a quelques. Mais c'est surtout que les effets spéciaux sont vraiment en open source, quoi. Enfin, là carrément. Maintenant, c'est facile d'utiliser. Si tu as un peu de maîtrise After là-dedans, Effect, voilà. Tu peux. Même tu regardes Us par exemple. Que voilà, c'est limpide, tu vois, c'est quand même pas mal de numérique, c'est quand même pas mal de ou même The Social Network avec Armie Hammer. Ouais, le double Armie Hammer. Ouais. Bah ouais, ouais, finalement. Mais c'est génial, le rendu. Meilleure idée du siècle, quand même. Parce que déjà, un Armie Hammer, c'est bien, mais alors deux, c'est encore mieux. Bah, plus que son. Son fan de fruits là, son acolyte fan de fruits, voilà, de Timothée Chalamet, oh mon dieu. Mais voilà, par contre, dans des films, on revient sur Star Wars, Rogue One par exemple, oui Rogue One c'est ça, j'ai dit Rogue Nation, c'est pas pareil, oui. Bah forcément le rajeunissement de la prince de Carrie Fisher, il est c'est pas dans Rogue One, hein. Si. Ah oui. Si, pardon. Si, à la fin. Tu l'as vu ou pas alors ? Non, je ne l'ai toujours pas vu. Mais c'est je pensais que tu parlais de la recréation de l'acteur. Si, aussi. Tarkin. Voilà. Et ces deux technologies justement dont on va parler, qui sont dans Rogue One. Après, c'est très bien. Dans ce contexte-là, oui, mais par contre, je n'ai pas envie qu'on me refasse des films avec Marilyn Monroe ou je ne sais pas quoi. Ah, mais non, ça ne sert à rien. Non, mais là, pour moi, il y a une cohérence en fait à intégrer ça. Mais moi, j'ai peur que ce soit la décennie 2020, le test de ce genre de truc. Hein. Non, bah, ils vont tester, et bien sûr qu'ils testeront. Mais après... ils testeront, mais ils n'iront pas jusque-là, parce que déjà, dans les années... Fin 2000... James Dean, oui. Il est prévu, hein, pour l'instant. Hein. Oui, c'est vrai. Mais qui dort, Dean. J'adore. Non, mais à l'époque même du film de Zemeckis, la Beowulf, les gens avaient dit oui, vous allez voir, on va avoir des films avec Angelina Jolie encore plus rajeunie. Je pense même pas que les acteurs de leur vivant accepteraient ça. Angelina Jolie n'est pas si vieille que ça déjà. Non, mais à l'époque de Beowulf, c'est là. Ça après, ça, quand je veux dire quand comment il s'appelait, Don Camillo là. Fernandel te vend de l'huile d'olive. Don Quichotte. Non mais moi je pensais qu'on parlait de cinéma, je pensais pas qu'on parlait de la pub Puget. Non mais tu vois, je veux dire, il a pas donné son accord pour vendre de l'huile d'olive et finalement il le vend. Donc pour moi, maintenant qu'on a la technologie, je sais pas s'il a donné son accord ou pas, mais c'était sa voix. Hein. Bah oui, juste. Il en a peut-être vendu et on était poignés. Hein. Ah non, c'est pas lui, c'est pas sa voix. Enfin, t'es sûr? Alors, je sais de source sûre que celui qui double la voix de l'huile d'olive Puget, c'est celui qui double Mufasa. Ah, je le sais. C'est vrai? Je le sais parce que... Ah oui. Donc, c'est Jean Reno. Mufasa. Pumba, oui. Pardon. Oui, d'accord, oui. J'ai pas vu Jean Reno faire de vente de l'huile d'olive Puget, mais bon, c'est pas... En même temps, Léon qui te vend ta petite bouteille d'huile d'olive Puget, c'est convaincant, t'es obligé de l'acheter, donc... Oui, non mais... Godefroy de Montmirail. Mais De l'île Puget, il ferait bien l'affaire. Non mais quand je parlais de ça, je parlais aussi, tu vois, de Hitchcock qui te vend une Citroën ou n'importe c'est quoi quoi. Putain, c'est... oui, la mais... pub avec Hitchcock qui vend des Citroën. Voilà, ouais, ou, mais c'était John Lennon aussi pas, qui vend. Voilà, tu vois, ça a déjà été fait dans la pub. C'était avec des images d'archives, mais ils ont quand même réussi à modifier les images d'archives. Et maintenant qu'on arrive à recréer des acteurs en CGI de manière à peu près convaincante. Par exemple Will Smith dans Gemini Man. Oui, alors ça c'est bluffant. Voilà. C'est bluffant. Ben pour moi je pense que la décennie 2020 il y aura au moins des tests de remettre comment dire des acteurs qui ont vécu ou qui sont morts sur le devant de la scène dans des films clairement. Mm-hmm. Je sais pas s'ils iront jusque là, ils vont tenter mais ils vont voir que ça prend pas. C'est comme ça n'a rien à voir, mais vous savez, le concert avec les hologrammes de Dalida et de Mike Brandt, les gens, ils ont trouvé ça glauque, et je pense que les gens trouveront ça glauque. D'accord, ok. Dans une pub, ça ne me choque pas, voilà. On verra bien. Mais pas dans une pas au cinéma. Ouais, du coup, toi, Eddy, pour reparler des effets spéciaux numériques, de plus en plus présents, tu en penses quoi? En fait, on a tous le même avis, je pense. Hein, ouais. Quand c'est utilisé à bon escient, quand ça participe à l'immersion, que ça renforce aussi l'émotion et tout ça, moi je pense qu'il n'y a pas de souci, quoi. Gravity, pour moi, c'est aussi parce que c'est vachement bien fait. Donc, Que le résultat visuel est aussi bien, il est beaucoup plus appréciable au cinéma, mais tu le vois sur la télé, t'es quand même bluffé. Oui, bien sûr. Non, mais Gravity, moi, pour moi, enfin, voilà, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais. Les gens qui disent non, mais de toute façon, c'est bon quoi. C'est pas, faut pas non plus dire que c'est aussi génial que ça visuellement. Moi, je suis désolé, Gravity. Tu peux pas, tu peux pas, c'est pas moche, quoi. C'est des conneries. Ah non, mais là, de tu, alors là, pour le coup, tu vas peut-être avoir des ennemis, mais tu gagnes un ami pour la, jusqu'à la fin de tes jours. Mais non, mais, non, mais je, ben, c'est vrai, quoi. Enfin, au bout d'un moment, non, faut, mais je pense qu'il y a, enfin, il y a personne qui dit que Gravity est moche. Moi, j'en ai lu quelques fois, et je trouve que ça a complètement con. Non, de toute façon, c'était pas si ouf que ça. Ah, ouais, moi, j'arrive, mais ça, je n'arrive pas à comprendre ça. C'est, enfin, là, on atteint un niveau, quand même, de décor, et c'est hyper crédible. Et on n'a pas retrouvé ça depuis 2003. Bah, non, quoi. Et c'est, mais, et c'est, et même si on n'aime pas le film, il y a des films que je n'aime pas, et j'ai pas de mal à reconnaître que sur certains aspects, ils sont très réussis. Donc, c'est, on appelle ça être objectif. Voilà. vous êtes en train de me perturber. Ils sont en train de faire les cons. Et du coup, oui, on a à peu près tous le même avis. Et ce qui était intéressant au début de ce que tu disais, Axel, c'est que quand tu parlais du Seigneur des Anneaux, du coup, quand on compare, le Seigneur des Anneaux est sorti début 2000, le Hobbit est sorti début 2010, pratiquement. Oui, 2013, ouais. Voilà, on est quand même plus sur le début de 2010 que sur la fin. Là pour le coup la différence entre les deux elle est flagrante. Ouais. On voit bien suffit de regarder des photos de tournage du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, d'un côté t'as des acteurs sur de vrais décors et d'un autre côté t'as des acteurs sur du fond vert. Voilà. Tout est dit. Il y a eu ça aussi avec Robert Downey Jr. sur le premier Iron Man, il avait limite toute la panoplie et que là il a juste un morceau de métal sur ses épaules. C'est ça. Hein, Mais d'ailleurs, je vous invite à voir sur YouTube, il y a des genres de vidéos un peu amateurs qui sont faites des acteurs, surtout dans les films de super-héros. J'avais vu ça dans une scène de Supergirl de la série, bon ça n'a rien à voir, mais il y en a beaucoup où justement tu vois les acteurs qui font leur truc sans les effets spéciaux évidemment, où ils font semblant de voler, etc. Et c'est à mourir de rire. Franchement, tu dois vraiment te sentir très con. Ils sont là, ils sont en train d'éviter, un champ électromagnétique et ils font semblant de. Enfin, c'est à mourir de rire, clairement. Mais donc voilà. Ouais. Après, il y a des films, je sais qu'il est loin d'avoir fait l'unanimité. Moi, je l'aime vraiment bien. Je l'ai revu, je l'aime bien. C'est Le Retour de Mary Poppins. Il est magnifique ce film, il est beau. Hein. Et ben voilà, qui pour le coup use des deux en fait. Un peu façon année 2000. Et la scène par exemple du bain, et ben c'est une vraie baignoire. Il passe vraiment en fait à travers la. Ouais. Enfin, et ça rend très bien. Donc après, ça part sur une scène d'animation qui là est en full CGI bien sûr. Mais le film est finalement vraiment dans beaucoup de. La maison quand elle bouge vraiment Donc c'est plein de petits. Et moi je pense que je reste vraiment sur cette idée là de vrais décors, au moins de vrais décors et de vrais objets quand il y a besoin. Mais oui, voilà. Après, voilà. Faire un juste si je parle de Jurassic World, il y a quelques cinématroniques. Alors, ça, c'est la plus grosse arnaque de la Terre. Hein. Ouais. Donc, quand nous les a vendus, il y aura de l'animatronique. Il y a une tête en animatronique dans le premier. Dans le deuxième, il y en a un petit peu plus. Ouais, un peu plus. Mais il y en a plus dans le deuxième. Pour le coup, c'est vrai. Mais en même temps, est-ce que le T-Rex ou dans Jurassic World en animatronique aurait eu le même impact? Je sais pas. Ouais. Moi, je me pose la question. Dans le premier, le grain d'image n'était pas pareil. On sentait moins le côté. Mais après, c'était aussi dans le noir quand le T-Rex est apparu dans le premier. Oui, et là, on a des scènes en plein jour, la plupart du temps. Donc, est-ce que ça aurait rendu pareil? Je sais pas. Après, moi, honnêtement, je trouve pas que les effets spéciaux de Jurassic World soient les plus moches de la décennie. Non. Je trouve qu'on a une belle résolution et un niveau de détail qui s'avère réussi. Je pense qu'il y a d'autres films beaucoup plus beaucoup moins réussis en tout cas à ce niveau-là. Les effets spéciaux, après c'est comme tout le temps, mais je pense que c'était déjà le cas dans les années 2000. Mais ça a toujours été, franchement, même dans des films plus autoristes comme Melancholia par exemple. Ou même The Tree of Life par exemple, c'est du Big Bang, tout ça, c'est de l'effet spéciaux, c'est au service de quelque chose. Alors c'est de l'effet spécial, mais pas que par ordinateur, parce que les scènes de Big Bang, il y a beaucoup de scènes finalement, c'est il était filmé le vrai Big Bang, il était là. C'est de l'éprouvette. Ouais, Terrence Malick. C'est des mélanges de matière, de peinture aussi, il y a plein de choses. c'est très, c'est assez artisanal en fait. Mais bon, par contre, oui, les dinosaures sont des dinosaures en image de synthèse et ça se voit. Non, ils ont été chercher Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva. Justement. Les pauvres, tu peux pas les laisser. Mais tranquilles, bon, après, honnêtement, j'adore The Tree of Life. Hein. Oui. Mais la scène des dinosaures, même si symboliquement elle est très intéressante. Oui, c'est pas la scène la plus réussie visuellement. C'est pas le truc le plus marquant. Non, bien sûr. Mais après voilà, ça n'enlève rien à la grâce et à la beauté du film, évidemment. Mm-hmm. Mm. Oui. J'ai quand même mon petit doigt me dit qu'on en parlera plus tard. Hein, mais The Tree of Life. Oui, la probabilité est grande. C'est une petite. c'est une petite ouais, une petite souris qui m'a dit plusieurs ça. Clans. Dans plusieurs clans, ouais. Ouais, ouais. Sera là. Du coup, moi je vais faire très rapidement les effets spéciaux numériques. Non, s'en fout, parlons de The Tree of Life. J'ai pas vraiment quelque chose contre, je m'en suis beaucoup plaint, c'est vrai. Mais quand c'est bien fait, moi j'ai pas de soucis. Là où j'ai plus de soucis, c'est vraiment quand c'est utilisé pour. Les plus gros soucis que j'ai, c'est les scènes de bataille en 3D. Ça me saoule que ce soit dans Wonder Woman ou autre quand il y a des grosses scènes de bataille le Hobbit etc, je m'en fous quand c'est en CGI, je n'ai aucun attachement émotionnel au personnage parce que je sais que c'est que de l'ordinateur qui fait du rendement de personnages random et ça m'intéresse pas. Voilà. Voilà. Alors, j'irai pas jusque là quand même parce que. Ou dans Avengers quand ils se tapent tous à la fin de Endgame, moi ça m'a saoulé. Voilà. Ça m'a clairement. Voilà. C'est les seuls moments où je m'en carre complètement en fait des personnages parce que je les sens pas là. Je les sens pas en fait. Et le fait que ce soit en plus sur. C'est le seul qui voulait voir Avengers Endgame sans qu'il y ait de combat final. Non, mais. Genre, flemme de se battre. Ouais, voilà. Mais non, on aurait que ça autour d'un. Mais après, est-ce que Thanos aurait pas peur de cheap en maquillage, tu vois? Après, Ah non, je sais pas. Josh Brolin quand même. Ouais, mais bon, bien sûr, il a une gueule, il impose. Mais c'est vrai que. Imagine Josh Brolin peinture lurée en violet et machin, ça aurait été spécial quand même. Hein. Oui. Bah regarde l'autre là dans les Gardiens de la Galaxie, Drax. Il est plus proche. Thanos est censé être le gars imposant quoi. C'est Josh un titan Brolin, par rapport au bah voilà. Ouais, non, mais voilà. Et pour les rajeunissements, récréation d'acteurs, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, c'est plutôt impressionnant, mais on sent les défauts quand même. Par exemple, Carrie Fisher sur le dernier Star Wars, on sentait qu'ils avaient une scène, une scène et demie, et ils ont essayé de recréer des trucs avec, mais ça fonctionne de temps en temps, mais. Après c'est là, voilà. Bon, moi, là-dessus, bon, je leur en voudrais pas trop. Non, mais malheureusement, c'est vrai que. Pas, mais... Voilà, elle est décédée en plein cours de tournage. Bon, c'est des trucs de toute façon qui sont compliqués à gérer. Bah oui. Donc, bien sûr. Non, mais après, c'est pas que je leur en veux. Hein. C'est clairement, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, mais voilà. Donc, on va passer au deuxième point et puis après, on va faire notre bilan. Quand même quelque chose, l'influence d'Internet sur la production de films, et on appelait ça comme ça cette partie. Quand on parle d'Internet, on va parler principalement des réseaux sociaux, même si les blogs, etc., de fans ont eu peut-être un petit impact, mais ce qui a le plus gros impact actuellement, et ce qui a eu le plus gros impact dans ces décennies, c'est clairement l'avènement des réseaux sociaux, principalement Twitter. Twitter, Facebook, Instagram, voilà. Du coup, l'influence du public sur les choix éditoriaux des studios, c'est comme ça qu'on a décidé de nommer la première petite partie. Et on a quelques exemples en tête. On parlait juste avant, mais par exemple Sonic, qui est clairement quelque chose. On n'aurait pas pu voir un tel changement sans les réseaux sociaux, sans Internet. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, je ne sais plus qui a sorti ce film, Sony. Je ne sais pas qui a sorti ce film, Columbia ou Universal. Oui. je crois, quelque chose comme ça. Donc, a sorti la première bande-annonce avec un Sonic en CGI qui n'a vraiment pas plu aux fans, qui a été détourné en mème, etc. Qui, pour le coup, était vraiment très éloigné. Qui était vraiment très éloigné et très moche, hein, clairement, on peut le dire. Voilà. Et du coup, après, les fans ont gueulé, bien sûr, évidemment, et le studio a écouté et a décidé de dépenser de l'argent pour refaire toutes les scènes où Sonic apparaissait refaire de manière un peu plus crédible, un peu plus jolie, entre guillemets. Voilà. Donc c'est une des choses c'est l'exemple le plus parlant, clairement, de quand on parlait de ça. Le plus parlant et le plus récent. Le plus récent, non, c'est peut-être la Snyder Cut. Oui, même c'est arrivé en 2020, fin 2010. Il y a longtemps que ça traîne, mais c'est que là, ça s'est concrétisé maintenant, quoi. C'est ça, ouais. Je pense pas qu'il l'aurait sorti sans le fait que. La façon dont ça a été mené par les fans, c'est aussi un truc dont on va pouvoir parler. C'était clairement pas la meilleure des manières pour avoir la Snyder Cut, hein, d'harceler des gens qui n'ont rien demandé. Mais bon. Et ça, on n'en parle pas. C'est vrai que je suis un peu en vendetta contre ça, quoi. J'ai un peu du mal avec le harcèlement ciblé. Mais il y en a, ils ne voient pas de harcèlement. C'est normal, on veut le film. Mais attendez, mais c'est qu'un film et vous. On en parlera pas. On peut en parler même tout de suite, hein, parce que ça fait partie de. Alors, qui a été harcelé? En fait, si tu veux. J'ai pas suivi. Je suis très content qu'elle sorte. Non, mais hein. On peut dire. Eddie, toi, t'es moins sur Twitter quand même. J'y suis quasiment pas. Donc. C'est normal que t'aies peut-être pas trop entendu parler de ça, puisque en dehors de Twitter, on n'en parle pas vraiment, mais Morgane, vas-y. C'est vrai qu'après la sortie de Justice League, on savait bien que voilà, Josh Whedon avait repris le truc, que c'était un peu plus son film, pas vraiment le film de Snyder, etc., et que il y avait voilà les rushs de Snyder, enfin le film de Snyder était là, quoi, mais qui n'était pas sorti. Et une poignée de fans qui n'est pas majoritaire, mais comme dans toute fanbase, il y a un lot de fans toxiques qui ont véritablement harcelé toute personne ayant collaboré de près ou loin avec la Warner, genre des community managers qui n'ont aucun pouvoir sur la production du film ou sur la décision finale, ils y sont pour rien. Et c'est allé très loin, quoi. C'est allé jusqu'à des menaces de mort. Il y a des gens qui ont démissionné de leur emploi à cause de ça. Alors après, il y a eu... Effectivement, alors je remets évidemment pas en cause le combat des fans que j'appelle light, qui sont juste des spectateurs fans passionnés qui ont trouvé ça dommage, et c'est tout à leur honneur et c'est bien pour eux que le film sorte. Mais il y a quand même une, comme dans toute communauté de fans, une fanbase un peu toxique qui a. On peut parler aussi de la fanbase Star Wars, hein, qui fait la même chose. Oui, mais il y en a plein. Game of Thrones, c'est pareil. Hein. Ils ont dit ouais, faut réécrire la fin. Ils ont fait des pétitions, mais les gens sont malades, quoi. Nous, chez les fans de Lost, on n'est pas comme ça. Non, nous, il y a juste des abrutis qui n'ont rien compris. mais on s'en fout. Voilà, on s'en fout. On les calcule pas. Pour revenir au truc. Et du coup, la Snyder Cut sort, c'est bien. Il y a eu une euphorie générale, une joie qui était partagée par plein de gens, c'est vrai. Moi, j'étais un peu amer, et notamment, je vais rendre hommage à une fille que j'adore et qu'on connaît, qui est Océane, qui a un peu le même discours que moi, et qui a dit oui, c'est bien, mais c'est bien que ça sort, mais à quel prix ? Alors, j'ai tenté d'avoir un débat avec quelques personnes et tout, même des amis à moi que j'adore, hein, mais bon, qui sont un peu très très fanboy de Snyder, on va pas se mentir, donc ils voient pas le mal. Ils disent finalement, le harcèlement, même, ça existe depuis toujours. Adrien, qui est très fanboy de. Ouais, mais Adrien, il est très nuancé. Oui, voilà, c'est ça le souci. Ça dépend sur quoi. Oui, non. Ah, mais c'est un connard, mais il est nuancé. Non, mais Adrien, lui, c'est vraiment. Alors, il a ses. Mais il est très très. Je veux dire, même par rapport à J.K. Rowling, il est fan d'Harry Potter, mais il voit bien que les sorties de J.K. Rowling sont problématiques. Il est extrêmement... Oui, c'est quoi ce truc encore, là, j'ai vu... Elle est ouvertement transphobe, hein, J.K. Rowling, hein, d'accord. On va pas se mentir. Voilà. Oui. Et du coup, t'as les fans d'Harry Potter qui disent « Non, c'est la Queen, elle m'a fait grandir. » Et t'en as qui disent « Oui, c'est ok. » Tu vois, même Mulder. Mulder n'est pas d'accord. Mulder est fan de J.K. Rowling. Mon chien n'aime pas J.K. Rowling. Non, il n'aime pas J.K. Rowling. Et en gros, par rapport à ça, voilà ce qui s'est passé, c'est que, pour revenir sur Snyder, entre autres, hein, c'est le cas le plus probant en ce moment, c'est que... c'est que bah il y a eu du harcèlement et qu'ils ont quand même eu gain de cause. Et alors autant les fans light et tout, il y a pas de souci, je suis content pour eux, mais bon, à quel prix quoi? Et moi je ne pensais pas que ça avait été jusqu'au harcèlement. Moi je pensais vraiment que c'était le poids du que ça avait été beaucoup relayé partout et que du bon ils avaient fini par décider. C'est vraiment l'effet moi pour moi c'était vraiment l'effet de masse en fait qui avait fait bouger le truc. Non, il y a eu un effet de masse évidemment, il y a eu une pression, mais il y a eu une pression un peu négative parce qu'il y a quand même des gens, on le sait, qui ont quitté leur emploi parce que bah voilà, je savais pas. Oui, du coup voilà, c'est ça en fait l'influence du public sur les choix éditoriaux des studios. Je trouve qu'on a bien choisi le titre parce que ça peut être bien. Clairement, par exemple Sonic, je trouve que c'est quelque chose de bien, même si il y a eu aussi des cas problématiques. Hein, on a l'habitude, on va dire, sur Internet, malheureusement. Mais voilà, il y a aussi des gros soucis quoi. Et c'est en fait le problème, c'est quand un public qui est une masse, des gens fans, donc déjà les gens qui sont fans de quelque chose ne sont certains ne sont pas rationnels, ou alors il y a une partie qui veut quelque chose, une autre partie qui veut autre chose, et une autre partie qui veut encore autre chose. Pour parler de Star Wars par exemple, hein, personne n'est d'accord sur comment cette post-logie, comme on l'appelle, aurait dû être menée. Le problème, c'est que les studios en face, ils essayent de faire plaisir à tout le monde, et ça donne le résultat Star Wars 9, qui est clairement le plus probant, je trouve, quant à la mauvaise influence que peut avoir les pressions du public sur des studios et sur des créations artistiques, enfin sur des décisions artistiques principalement. Pour moi c'est un des gros soucis justement de cette. Là aussi il y a eu du harcèlement l'actrice asiatique, je sais plus son nom. Moi non plus, mais voilà. Oui, du coup on peut voir que mine de rien Disney, en plus en ce moment bon on est en plein dans ce combat là avec l'actualité, Disney justement qui ont soutenu justement le mouvement, alors que quand même George Floyd même nous en France avec Adama tout ça voilà, ça a une résonance. Disney qui, enfin Star Wars, la page de Star Wars qui dit oui on vous soutient, alors que quand même ils n'ont clairement pas défendu par exemple l'actrice asiatique qui s'est fait harceler, et dans le 9 ils ont donné quand même 5 minutes de présence à l'écran. Donc voilà, là pour le coup, alors que c'est un personnage qui a été rejeté. Bah pour moi, ils ont quelque part donné raison à ces connards qui ont dit on ne veut pas la voir. Et du coup, bah finalement, dans le suivant, on ne la voit pas. Quoi. Donc ça, effectivement, c'est une influence négative. Ouais. Bon, après, il y aura sûrement du positif, on en trouvera. Oui, bien sûr, c'est sûr. Mais voilà, donc toi, Morgane, tu en penses quoi de façon générale plutôt de cette influence qu'a le public sur vraiment les choix éditoriaux des studios, qui est quand même une situation assez inédite au niveau du cinéma. À cause des réseaux sociaux, hein. Pas que le cinéma américain, le cinéma français. Hein. D'autres industries comme le jeu vidéo ou les séries télé, tout a vraiment changé quand le public a pu... Tout le monde a eu la parole. Voilà, quoi. C'est ça, clairement. Aussi direct en plus. Un tweet, c'est instantané. Ouais. Et pour les comédies françaises, c'est aussi ce que je reproche. Alors, je dis pas que c'était mieux avant, on peut rire de tout, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu plus frileux à cause de ça. La moindre fausse sortie est très mal vue. Enfin, les comédies se brident beaucoup. Et ça, je trouve ça un peu dommage quand même. Et ça donne des choses. Je pense qu'on est un peu moins libre quelque part qu'avant. On est un petit peu moins libre. On est obligé de se plier un petit peu. De toute façon, on revient sur un espèce de puritanisme. On y est. Et aussi sur un climat ambiant. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, je pense qu'il y a un cahier des charges à respecter sur les séries, sur les films. Il faut représenter telle communauté. Mais c'est vrai, Netflix, c'est impressionnant. Hein. Regardons Star Wars. Et c'est très bien. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais quand on regarde bien les figures... Parce que Star Wars, ça va devenir un peu la référence. Parce que je pense que c'est symptomatique de tout ce qu'on a traversé. Star Wars, on a Finn quand même. On a Rey, donc une femme, un noir. Voilà, donc... Parce que c'est pas des personnages qui étaient... Et c'est très bien, mais parce qu'effectivement, s'ils avaient représenté ils avaient fait un décalque de Han Solo ou de Luke, on aurait dit ça manque de diversité. Donc ça, encore, ça c'est très bien. Ça, c'est très même bien. Si on a un décalque de Han Solo et de Luke, Oui, mais bon, c'est pas la même ethnie, etc. Mais encore une fois, ça c'est très bien et c'est ce qu'il faut faire. Mais je pense qu'il y a certains studios, il y a un cahier des charges à respecter maintenant qui est imposé par le public un peu qui prêche un peu la bonne morale et le c'est bien et c'est pas bien, quoi. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'est pas juste des spectateurs. Il y en a, ils sont spectateurs et juges. Et juges de la bonne morale. Et ça me dérange un peu. Je pense que quand on a un studio envie de tenter quelque chose, bah, qu'il y aille. Si on a envie de faire rire de telle chose, contente après tout, qu'on laisse une chance. Parce que alors ça aussi, c'est génial. Certains, je prends exemple sur Philippe Lachaud, on en pense qu'on veut. Mais quand il a juste dit « Je suis en train d'écrire le scénario de Nicky Larson », les gens étaient là, mais ils l'ont démonté avant même que le scénario soit écrit, ce qui est quand même énorme. Mmh. C'est quand même formidable. Et maintenant, c'est un peu ça, quoi. Je pense que les studios ont compris que, de même pour Star Wars, hein, Star Wars 8 a eu un effet tel que ça n'a pas plu, et que le 9, ils se sont dit « Bon, on va regarder sur Twitter ». S'ils vont pas nous lyncher la gueule après, donc on va se baser sur ça pour faire notre film. Et je pense que maintenant on y va de plus en plus vers ce truc là. Je voulais revenir sur ce que tu disais juste avant à propos de Star Wars où on a Finn, on a Rey, etc. Pour moi, c'est très bien qu'il y ait ça. Le seul souci que j'ai avec ça, c'est quand ça et je vais prendre un exemple parlant. La scène, j'ai encore tapé sur Avengers Endgame, je suis désolé. La scène où on a toutes les super-héros féminines qui s'allient pour juste la scène féminine, hein, c'est vraiment comme ça qu'on pourrait la décrire, de 5 minutes où on a que les femmes à l'écran qui tapent pendant la grande bataille, Pour moi, ça sent le. En fait, ça sent. C'est pas sincère. C'est forcé. On sent que c'est forcé. On sent que c'est forcé parce que si ça avait été sincère, on n'aurait pas attendu maintenant pour le faire. C'est très bien, justement. Moi, je suis très content qu'il y ait plus de diversité. Je suis très content. Mais le problème, moi, j'ai un souci quand ça sent le forçage et quand ça sent la manœuvre commerciale. Le truc, c'est que c'est problématique quand c'est forcé et surtout, en plus, quand ça vient entraver la cohérence du truc, quoi. Soyons ouverts à tout le monde, mais soyons cohérents artistiquement. C'est tout. Mais regarde Exodus, par exemple, joué par Christian Bale. C'était... Oui, bah oui, par exemple. Oui, adapté, quoi. Sigourney Weaver, Christian Bale qui joue des Égyptiens. Eh oui, ils n'ont pas du tout le type. Non. Voilà. Et quand tu veux créer, si tu veux faire de la diversité partout, sois créatif, invente aussi des personnages. Et ça rendra en plus. Et les acteurs, en plus, c'est vachement mieux pour eux parce que du coup, il faut qu'ils composent, il faut qu'ils y mettent leurs pattes, ils les font vraiment exister. Au-delà d'un simple prisme d'adaptation. C'est complètement. C'est bien sûr, c'est important de convenir à tout le monde, mais il faut que ça soit fait intelligemment, quoi. Oui, il faut plus de création diversifiée, tout simplement. On espère que ça arrivera de plus en plus dans cette décennie qui vient. Tout ce que je voulais dire, c'est quand il y a une composante financière, moi je trouve ça dégueulasse, tout en simplement. Plus. De faire sa promo promo d'un film en disant oui, on a le premier personnage lesbien, super-héros, etc. Ou enfin n'importe quoi, ou trans, et c'est surtout ou, etc. Que ça véhicule. Et... pour moi, c'est. Alors désolé, je te coupe, mais ça véhicule une mauvaise image du pouvoir du cinéma. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, oui, vous avez un personnage. Gay, donc du coup vous allez voir les gays, vous allez pouvoir vous identifier. Je suis gay et je m'identifie à des personnages qui sont des hétéros pur jus. Je suis gay, je m'identifie à des personnages qui sont noirs. Quand je regarde la liste de Schindler, je suis touché par le sort des juifs alors que je ne le suis pas. Mais bien sûr. Je regarde Scream, je suis comme Sidney Prescott. Enfin, au bout d'un moment, c'est ça le cinéma, c'est de pouvoir t'identifier à des personnages qui ne te ressemblent pas, qui sont. L'important, c'est pas d'avoir des personnages avec plein d'ethnies et d'orientations sexuelles différentes, par exemple. Surtout d'avoir des bons personnages déjà. Pour moi, c'est la liste de courses qui pose souci en fait. C'est vraiment ça sent la liste de courses. Par contre, il y a en termes de comédiens de couleur tout ça, on a des grands comédiens de couleur qui sont talentueux effectivement. Et il faut, enfin, je prends un exemple. Il faut les mettre en avant. Lupita Nyong'o par exemple. Idriss Elba. Alba, voilà. On a, voilà. Mais faut pas jouer que sur ça, parce que pour moi, c'est une. Si tu prends Lupita Nyong'o en disant, regardez, on la prend parce qu'elle est noire. Non, vous la prenez parce qu'elle a du talent. Bah, bien sûr. Et c'est. Et pour moi, le racisme, il est là. C'est quand tu dis, je prends une personne pour son orientation sexuelle, pour machin. Là, il y a un film qui va sortir, qui a été repoussé, qui s'appelle Miss, le film de Ruben Alvarez, ou je sais pas quoi, là. Ruben Alves. Ça parle d'une personne transgenre qui veut faire Miss France. Alors, je sais pas si ça avait gueulé un petit peu, mais enfin, non, ça a pas gueulé, mais justement, moi, ce que j'aime bien, et j'ai envie de voir le film, il dit pas oui, j'ai pris une personne transgenre, parce que je sais pas si la personne est transgenre ou pas, mais en tout cas, il l'a jamais dit explicitement. En gros, il dit pas regardez, j'ai pris une personne transgenre pour prendre une personne transgenre, c'est juste j'ai ce personnage-là, cet acteur, enfin cette actrice, excusez-moi, j'y vois du talent, j'y vois du potentiel, je la mets à l'écran parce que voilà, c'est et pas par rapport à cette spécificité-là. Oui. Et c'est voilà, c'est pour moi instrumenter, voilà, commercialiser une différence, c'est purement dégueulasse. Mmh. Voilà, mais il y a le cas de Victor Polster dans Girl, hein, qui joue un adolescent qui progressivement va devenir une adolescente. C'est joué par un jeune homme, par un garçon, et ça a fait polémique parce que ça n'a pas été joué par une personne transgenre. Alors déjà, le personnage est en transition dans le film, donc il n'a pas totalement terminé sa transformation. Donc déjà, je trouve qu'en soi, ça pose pas vraiment de problème que ça soit joué par quelqu'un qui ne soit pas du tout en transition dans la vie. Et c'est surtout qu'il a été casté parmi des personnes. Parmi beaucoup d'autres acteurs, dont certains étaient transgenres, mais lui, il a été retenu parce que c'est lui qui correspondait le mieux au personnage et qui arrivait à lui insuffler la sensibilité requise, quoi. Ouais, très bien. Et je comprends pas tous ces débats, en fait. Mais on espère qu'il y aura plus de diversité au niveau de la création, tout le monde pourra s'identifier à tout le monde. Clairement, de toute façon, c'était déjà le cas. Et on n'a pas attendu que les studios commercialisent un personnage homosexuel, fassent leur promo juste parce qu'il y a un personnage homosexuel ou noir ou asiatique ou en transition pour s'identifier à eux ou pour ressentir quelque chose pour eux. C'est clairement. Il faut arrêter la commercialisation de tout ça et ça ira beaucoup mieux. Mais oui! On va finir sur ce truc parce que sinon on va continuer pendant longtemps. Rapidement, on a appelé ça le risque internet parce que en 2010, dans les années 2010, il y a quand même eu quelques problèmes quant au hack, au vol de script ou au spoiler avant la sortie d'un film. Les hacks le plus notable, on peut parler de celui de Sony Pictures suite à The Interview. Le film The Interview qui critiquait la Corée du Nord, et du coup la Corée du Nord a piraté Sony et a récupéré des scripts, des films, tout ce qui passait, et du coup il y a certains films qui sont sortis en piratable bien avant leur sortie officielle. Donc ça, c'est une première chose déjà. C'est le plus notable, mais il me semble qu'il y a eu d'autres hacks entre-temps, je les ai pas notés. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui a fait pas mal de bruit. Donc c'est un truc assez important. Vol de script, pour moi, il y a un des trucs les plus notables, c'est le vol de script de The Hateful Eight ou Les 8 salopards de Tarantino qui a fuité sur Internet avant qu'il ait pu tourner le film. Et donc il a tout réécrit. c'est quand même. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu plein d'autres. Pour parler déjà de hack et de vol de script, qui pour moi est un peu la même chose. Toi, Morgane, tu as vu ça comment toutes ces histoires le fait. Moi, je pense principalement au vol du script de Tarantino, qui a fait quand même grand bruit. Et même que Tarantino disait au début qu'il ne le ferait pas, ce film. Mais oui, c'était un risque et on serait passé à côté d'un sacré morceau. Putain. Bah après, pour ça, ce genre de problématique, ça date pas d'hier. Hein. Ça, oui. C'est quand même. Je pense par exemple dans les années 80. Les vols de script. Crois... Ouais, les vols de script. Le script de Scream 2 avait été volé ou je sais pas quoi. Avait été... Enfin bref, il avait fuité un truc comme ça. Donc ça date depuis. Voilà. Non, mais c'est disons qu'avec Internet, il y a beaucoup plus de possibilités de le faire en fait. De partage aussi. Après, moi, ce qui me. Le risque d'Internet, alors. Qui est un peu, comment dire, le risque des réseaux sociaux. Et ça, c'est plus un comportement, j'ai du mal à comprendre, les gens qui vont volontairement se faire spoiler. C'est-à-dire que Star Wars, c'était « Oh, il y a des leaks de Star Wars. Oh, chouette, on va voir. » Ben non, gardez-vous la surprise. Puis après, ils vont voir le film en disant « Oh, ben ça, je le savais déjà. » Bah oui, du coup, t'as cliqué. Enfin, au bout d'un moment, tu tends le bâton pour te faire battre. Ouais. Donc, je comprends pas cette démarche-là. Après, ouais, le vol de script, bon, j'en ai pas vu tant que ça, mais c'est vrai que le cas de Tarantino a été assez... il était énervé, à juste titre, d'ailleurs. Mais les spoilers, c'est terrible, quoi. Puis même pour tout, en fait, quand on regarde bien, justement, merci les séries Netflix, où elle sort à 9h, et il y en a, ils se les enquillent. Mais il y en a, ils n'ont pas forcément le temps de regarder une saison en une journée. Donc, ils doivent se frayer un chemin entre les réseaux sociaux pour pouvoir... Et des fois, ils tombent sur des trucs. Par exemple, Game of Thrones. Et d'ailleurs, heureusement que Lost n'est pas apparu dans cette décennie, parce que Game of Thrones, si tu voulais savoir qui meurt, tu regardes le nom en top tweet, hein, tu voyais telle personne, tu dis bon bah ok, d'accord, lui il meurt. Tu cliques sur le nom et voilà. Et c'est ça, c'est dommage quoi. C'est que The Walking Dead, c'est pareil, hein, la mort de, enfin les fameuses morts, enfin qui Negan a tué. J'ai quand même dû rester éveillé parce que il faut que je reste éveillé parce que si je m'en... Eh ben, le lendemain, pareil, en top tweet, il y avait quoi? Il y avait Glenn et Abraham. Je sais bon bah ok, le mec qui n'a pas vu, il va sur ça. On lui dira bah fallait pas aller sur Twitter. C'est pas au mec qui va sur Twitter de faire attention, c'est aux autres de pas. Et il y a une culture du spoil qui me dépasse. C'est juste ça moi. Le reste, bon bah oui, le oui. Hack, ça dure depuis voilà. Non mais c'est sûr, on voulait aussi principalement parler de spoilers avant la sortie d'un film ou même quand le film est sorti, il y a pas tout le monde qui va se dépêcher d'aller en salle pour aller le voir le jour de la sortie, le mercredi quoi, ou même quand il sort un petit peu en avance, soit au Royaume-Uni. Surtout que si tu fais ça, il y a plus le plaisir en fait d'aller au cinéma, c'est bah non, j'y vais maintenant, je suis un peu contraint quoi. Ouais, c'est ça. Moi je sais que la dernière saison de Game of Thrones, au départ, je me disais, bon, on attend qu'ils sortent et puis on les regardera. Puis au final, on se dit, bah non, ça sert à rien. Il faut les regarder au fur et à mesure parce que de toute façon, on saura la fin avant d'avoir commencé la saison 8. Donc, Oui, c'est sûr. Ouais, donc, non, c'est clair. On est tous d'accord sur le fait que spoiler un film déjà sur Internet le jour de sa... Enfin, j'ai envie de dire même le mois de sa sortie, c'est quand même... c'est honnêtement, personnellement, moi, je ne suis pas hyper concerné par tout ce qui va être spoiler et compagnie, parce que justement, je ne suis pas sur Twitter. Oui, ouais, ouais. Et sur Facebook, ça circule quand même un peu moins. Du coup, voilà. Hein, mais c'est vrai que j'utilise pas beaucoup Twitter, pas forcément par rapport à ça, mais si je suis pas fan de l'utilisation de Twitter. Je trouve pas ça. J'ai pas l'intuition en fait de Twitter, tout bêtement. Mais du coup, ça me protège en fait d'un peu ça. Donc ça me motive pas non plus à utiliser Twitter. Ouais. On va s'arrêter là-dessus parce que voilà, on a déjà pas mal discuté. On va faire rapidement notre bilan de la décennie et on va vous quitter sur nos top 3 après. On va essayer de pas faire trop long, s'il vous plaît. Moi, ça va être très rapide hein, ouais. Parce que je trouve qu'en fait, le bilan, on l'a un peu fait. Là, on peut synthétiser quoi. Ouais, on va synthétiser rapidement de tout ce qu'on a parlé. Toi, Morgane, de tout ce dont on a parlé, voilà, dis-moi ce qui t'a marqué vraiment dans cette décennie de 2010. Alors, cinéma quoi. Moi, ce qui m'a marqué déjà, c'est moi, d'un point de vue personnel, je me rends compte qu'entre 2010 et 2020, je suis plus du tout le même cinéphile. C'est vrai. Mes goûts se sont affinés. On est tous pareils. Et comme on était relativement, enfin beaucoup plus jeunes, enfin même nos rapports, hein, et pour tout vous dire, ça va vous surprendre, mais Eddie et moi en 2012, fallait pas nous mettre dans la même pièce. Hein, non. Je pouvais pas le saquer, il pouvait pas me saquer. Enfin voilà, c'était comme ça. Hein, c'était un peu je t'aime moi non plus par moment quoi. Ouais. Mais même moi, j'étais. Mais maintenant, on s'aime tout simplement, donc ça va. Voilà tout ça, on va voilà. Et comment dire, on... bah, après, pareil, pourquoi, et même moi je le reconnais, en 2012, j'étais un peu, et ça va vous surprendre, mais je pestais sur Spielberg, quoi. Spielberg, c'était pour moi... Mais c'était un vrai con, hein, et je le confirme. Bah ouais, j'étais... mais, parce que... mais oui, parce que bah, c'était au début, en plus je commençais à aller au cinéma, mes goûts s'affinaient, il y avait des trucs, forcément, je me... Mais on a pris, guillemets, puis bon, c'est pas à dire, mais on a pris 10 ans de plus. Voilà, c'est ça. On a... Et en 10 ans, nous, on sait ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a plus envie de voir, ce qu'on... Voilà. Et finalement, ça s'affine, on s'assagit, on peut-être qu'on est un peu plus exigeant sur certaines choses, mais on réalise, on a du recul. Donc moi, l'évolution, c'est vraiment sur moi. Je sais aujourd'hui ce que j'ai envie de voir, et même si ça se trouve dans 5 ans, pareil, il y a des films que j'avais adorés en 2013 et tout. Il y en a un, par exemple, en 2013, j'avais beaucoup aimé au cinéma. Je l'ai revu récemment. Je me suis dit, mais putain, quel con. Il existe ce film, putain, et on va en parler. Vous allez voir. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment une décennie qui m'a fait évoluer. Voilà. Et même d'un point de vue humain, par exemple, alors là, on va en parler. En 2014, je défendais Roman Polanski parce que je n'étais pas, voilà, et aujourd'hui, plus du tout. Voilà, humainement parlant, voilà, ça, c'est un tout. Après, sur les films en eux-mêmes, bah, moi, je trouve qu'elle a apporté quand même pas mal de choses parce que bah, pour ces raisons-là, j'ai découvert des acteurs qui m'ont fasciné. J'ai redécouvert des acteurs qui étaient déjà installés depuis un moment et que voilà, pour moi, ils ont explosé à ce moment-là. Il y a des nouveaux talents. Je prends par exemple Jordan Peele qui, voilà, pour moi, une pure révélation et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Comme je dis, c'est une décennie un peu, voilà, il y a eu des très bonnes choses. On a... Pour moi, tout a été abordé, mais je dirais juste que voilà, mes goûts se sont affinés, je sais ce que j'ai envie de voir maintenant, j'ai pris du recul sur plein de choses, et je suis content d'attaquer 2020, même si bon là, niveau sortie, c'est pas ça. Mais en tout cas, je pense que je suis mieux armé dans mes arguments, je suis plus à l'aise pour... voilà. Et, on est plus à l'aise dans le débat, je pense aussi. Bah oui, on est plus cohérent, oui, plus... Bah, plus On est plus cohérent. Après, voilà, il y a... oui, voilà. Non, c'est ça. Non, mais en fait, c'est ça. C'est juste ça, moi, je voulais dire. Hein, parce que on a tout résumé. Hein. Ouais. Très bien. Eddie ? C'est grosso modo la même chose, hein, finalement. Ouais. Ouais. Sauf que moi, j'ai toujours aimé Spielberg. non, si je devais faire un bilan plus général, donc vraiment sur le cinéma de 2009 à 2010... c'est qu'il y a eu autant de... 2009 à 2020. De 2009 à 2000... Oui, parce que 2009 à 2010, c'est court. Non, mais de 2009 à 2019-20, c'est qu'il y a eu autant de moments de joie avec des films vraiment qui ont marqué et des moments avec de l'amertume, en fait. Donc, c'est une décennie un petit peu en demi-teinte. Ouais. Mais qui oscille vraiment, ouais, entre des vrais moments de grâce, quoi, et des moments plus plan-plan. Et ça se ressent, en fait. Moi, je me suis rendu compte de ça dans mes tops. Il y a des années où je sais que sur c'était 2011, ouais, par exemple, j'ai quasiment tous les films de mon top auraient pu se retrouver dans mon top 10 de l'année. Ah oui, d'accord. Et alors que d'autres années après, j'ai pas eu de mal à en choisir qu'un, quoi. Donc, bon, ouais. C'était une décennie assez particulière. Moi, ce que je sais, c'est que c'est dans cette décennie-là où... moi, je me suis mis à la critique vers 2007-2008. Et du coup, j'ai vraiment commencé à me faire une cinéphilie, on va dire, à partir de 2009. Ouais. Et je sais que de 2009 à 2014, j'étais vraiment dans une démarche de voir beaucoup de choses, d'en découvrir pas mal. Et progressivement, je me rends compte que ça s'est calmé et que je me suis mis à voir que les choses, vraiment les choses que j'avais envie de voir. Et je suis devenu beaucoup plus grand public depuis 5 ans, en fait. Voilà. Donc à moins me dire ah ben non, il faut que je voie plein de films, même des trucs qui m'intéressent un peu moins parce que bah ça intéresse tout le monde, donc faut que je puisse donner un avis dessus, tant ça sert à rien en fait. Je me suis dit maintenant tu te fais la cinéphilie que t'as envie de te faire et puis ceux qui sont pas contents, tu les emmerdes, quoi. Bah faut voir le parrain. Voilà. Donc c'est ce que je dirais. Et ce que je rajouterais, c'est que je vois moins de films parce que je joue plus. Mais c'est pas anodin, hein. Honnêtement, c'est parce que en fait je me rends compte que non, c'est juste parce que tu vieillis et tu t'endors devant les films. Non. mais c'est surtout parce que je me rends compte que finalement il y a d'autres médias hormis le cinéma et la littérature, qui permettent de raconter des histoires. Et, Le jeu vidéo a pris une part importante. Et voilà, et j'ai joué à quelques jeux qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont raconté des super histoires. Hein ? Qui t'ont ouvert à encore plus. Exactement. Et voilà. Donc forcément, par contre, les bons jeux aujourd'hui, c'est une petite cinquantaine d'heures minimum. Hein, donc forcément, ça prend du temps. Du temps que je ne peux pas consacrer au film. Et du coup, tu vois des films que t'as vraiment envie de voir. Et du coup, voilà, je suis beaucoup plus sélectif sur les films que j'ai vraiment envie de voir. Voilà. Et parfois, là, le seul truc qui m'emmerde un peu, c'est l'envie d'écrire qui n'est plus là. Donc, c'est après, pareil. Hein. Après, c'est je compréhensible. L'ai plus, moi, c'est par période aussi. Hein, je me force à écrire. J'ai toujours du mal à me lancer dans une critique dernièrement. Mais j'arrive à les écrire, mais j'ai du mal à me mettre dedans. Voilà. Mais moi, je trouve qu'on vit aussi maintenant une époque où les gens lisent beaucoup moins et le podcast, tout ça, on voit bien les YouTube cinéma, tout ça, c'est devenu totalement. Je sais que le format podcast me plaît plus parce que je suis plus à l'aise avec ma langue qu'avec mes doigts. Merci Morgane. Comprenez ça. Comprenez ça comme vous voulez. Comprenez ça comme vous voulez. J'aurais pas dû le dire. Je n'aurais pas dû le dire. Mais en soi, c'est vrai. Je vous donnerai mon numéro, les volontaires. Oh, mec. C'est pas possible. Mon copain n'est pas là, j'en profite. sinon, il me taperait. Mais en tout cas, oui, je pense que le média maintenant, la consommation de la critique en elle-même, ça reste, je pense maintenant, c'est de l'audio ou de la vidéo, moins la critique. Mais moi, j'ai pu. Puis même, ça prend du temps quand même pour écrire. Hein. Par contre, là où je suis content, c'est que je sais que j'ai besoin de moins d'avis extérieurs au mien pour arriver à vraiment me forger une idée. Et ça c'est bien. Avant c'est vrai que j'avais besoin d'avoir quelques pistes de me dire mais c'est bon tiens ça c'est comme ça je pense comme si machin. Maintenant je sais que non j'affirme beaucoup plus mes trucs et mes idées à moi et je les défends et je suis beaucoup moins regardant en fait sur ce que les autres vont penser en fait. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. En fait, pareil, hein, je suis comme toi. Moi, il y a des films adorés, je vais les voir. Bah non, excusez-moi, j'ai pas aimé. Voilà. Bon, après, t'en as qui me répondent par des gifs du genre Are you serious? Bon, je m'en fous, mais oui, c'est toujours ça. Hein. Mais j'assume. Maintenant, j'assume. J'ai vraiment. Plus envie. J'ai pas envie de rentrer dans une espèce d'élite de cinéphile. J'ai pas envie de me conformer à une image préconçue de cinéphile. J'ai juste envie de découvrir les films qui me font envie et de parler de ceux qui me font envie, en fait. Voilà. T'aimes ce que t'aimes, tu n'aimes pas ce que t'aimes. Tout simplement. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord, très bien. Et moi, personnellement, ce que je dirais... Si, 2010, il y a quand même aussi l'expérience de podcast où nous, on a appris à se connaître aussi tous les trois. Quentin aussi un petit peu, même si on le voit moins. Moi, il m'a bloqué. Oui, bon, forcément, Quentin, c'est beaucoup plus compliqué. mais c'est vrai que oui, il y a aussi les rencontres via le cinéma qui sont très importantes quand même. C'est vrai. Depuis 2013, le podcast. Depuis 2014 avec vous. Je ne regrette pas. Moi, 2014. Eddie 2014 et Morgane 2015. Début 2015. Ce que je voulais dire. Déjà, je parlais un peu de cinéma avant d'être émotionnel et de parler de moi-même, vous voyez. Franchement, c'est la période. Comme tu as dit, Eddie, en fait, vraiment, il y a eu. C'est une décennie un peu en demi-teinte, même s'il y a eu du très haut, clairement. On a tous eu du mal à faire notre top 10 de la décennie, clairement. On en parlera dans le deuxième podcast, mais il y a d'excellents films, il y a toujours d'excellents films qui sortent. Et je pense que c'est peut-être la période de. Du fait de mon âge, clairement, où j'ai pu complètement apprécier une décennie entière de cinéma par rapport aux années 2000 où, voilà, j'allais pas au cinéma quand je voulais, clairement. Mais voilà, c'est tu te rends compte, enfin il y a eu pas mal de, il y a eu quand même des déceptions, il y a eu on en a parlé durant tout ce podcast, il y a eu des déceptions, de grandes déceptions, hein, de saga, etc. Mais il y a eu aussi du très bon, que ce soit du film indépendant au gros blockbuster, il y a eu du très bon comme il y a eu du très mauvais. Et j'ai envie de dire, comme c'est un peu une période qu'on a vraiment vécu en tant que cinéphile affirmé, je pense que on le ressent comme ça, mais les gens qui ont vécu ça dans les années 90 ou 2000 te diraient la même chose de ces décennies. Oui, bien qu'ils sûr. Ont qu'ils ont vécu en demi-teinte. De toute façon, chaque décennie a ses moments un peu plus plats au niveau cinématographiquement parlant, et c'est très haut. Voilà, donc c'est toujours bien en fait qu'on ait toujours des très grands films et que ça continue comme ça. Et puis voilà, qu'il y ait de moins en moins de mauvais films, ce serait pas mal. voilà, moi personnellement, du coup, j'ai commencé. Moi, je suis plus jeune que vous déjà. Hein. Et c'est ça, moi, c'est, quand tu parles, c'est ça. C'est que je me dis, depuis 2013, j'ai vraiment. Depuis 2014, pardon, je suis pas arrivé, je me suis mis en tête, c'était 2013. Moi, j'étais vraiment senti basculer d'un cinéma beaucoup plus. Beaucoup plus dans ta tranche d'âge aussi, hein, en 2014, à fond Marvel, Star Wars et machin, et qui s'est vachement plus affiné vers les films beaucoup plus intimistes. Alors que moi, en fait, j'ai pris le chemin inverse, c'est ça qui est drôle. Et, oui, bah oui, parce que. Ce qui m'empêche pas d'aimer les films intimistes, hein, parce que j'en ai toujours qui me marquent. Bien sûr. Mais j'ai vraiment, oui, senti ce truc-là s'opérer. Mais c'est bien en même temps. C'est très Mais c'est. Enfin, voilà, après, moi, je continue à avoir autant de films intimistes que de films grands public, c'est toujours ce qui me, enfin voilà, c'est... et j'aime bien, j'ai toujours le plaisir de découvrir, en fait, j'ai toujours le plaisir de découvrir des films que j'ai pas vus, de découvrir, même que ce soit des classiques entre guillemets, que tout le monde parle de classiques, que j'ai pas vus, et j'ai pas honte de dire que j'ai pas vu certains films qui sont considérés comme des classiques, mais voilà, c'est j'ai commencé le site en 2013, donc j'avais 18 ans, voilà, août 2013, et le podcast en même temps aussi, donc voilà, si vous allez réécouter les anciens épisodes, que je vous conseille pas vraiment, mais voilà, si vous voulez vous moquer de moi, c'est la source de données est infinie, hein, clairement, donc voilà, en 2013, quand j'ai commencé, comme t'as dit, j'étais vraiment plus sur le cinéma grand public, plutôt. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, c'est pas, y a rien de péjoratif. Non, c'est vrai, mais j'étais vraiment dans un genre spécifique et j'adorais, enfin, j'aime toujours autant la fantasy, la science-fiction, c'était vraiment des films, enfin, c'est là-dedans que je me suis grandi, enfin, que j'ai grandi une cinéphilie, et finalement, au fur et à mesure, au fur et à mesure des rencontres, et justement, le podcast m'a permis ça aussi, hein, de découvrir des choses que j'aurais jamais découvert. Par exemple, je prends un exemple tout con. En 2014, vous parliez de Nymphomaniacs. Moi, j'avais même pas entendu parler de ce film, clairement. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais punaise, c'est vraiment, c'est un truc que j'aurais jamais vu, et c'est vraiment bien. Et il y a plein d'autres exemples, mais voilà, non, c'est vraiment une décennie qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup plu, personnellement, en tant que cinéphile. Ouais, les podcasts, les critiques, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît toujours à faire. Donc, et je suis content. Je suis content parce que, voilà, si en 2013 on m'avait dit qu'en 2020 je serais encore en train de parler de cinéma avec des gens très intéressants, passionnés, bah je sais pas si j'aurais cru, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose que j'aime toujours autant faire et je suis très content. Voilà. Et puis ben cette décennie, ça, enfin. Si on est encore là en 2023, si le monde n'a pas explosé, et ben ça, on arrivera aux 10 ans et ça va me faire bizarre, je pense. C'est donc, clair que 10 ans de podcast, ouais. Voilà, donc voilà. Le podcast des 10 ans, il faudrait qu'on essaye de l'enregistrer en live tous ensemble. c'est un peu ce que j'aimerais faire, mais bon, bah oui. On verra comment tout se déroule. avec ce qui se passe actuellement, c'est pas on verra bien, mais ouais, c'est quelque chose qui me tente vraiment, et puis je crois que j'ai à peu près tout dit. Je voulais juste remercier remercier tous les gens qui ont participé au site. En fait, on dirait que je fais un podcast pour annoncer la fin de Movie Nerd, c'est vraiment non, oh là là. non, je remercie tous les gens qui ont participé. En tout cas, on n'est pas au courant. C'est pas prévu pour l'instant, hein, clairement. Remercie tous les gens qui ont participé, remercie vous deux qui continuez à participer au podcast depuis. J'ai compté avec les hors-séries, ça fait plus de 80 émissions. Hein. Ouais. Donc ça fait beaucoup. Ouais. Remercie tous les gens qui ont participé, qui continuent de participer, c'est vraiment super. Hein, voilà. Et puis remercier les gens qui m'ont inspiré. Tu parlais de Fabien avant, Morgane, avec qui tu es devenu très ami. Fabien, qui avec ses deux comparses Romain et Philippe, ont créé le podcast Cinéfeuse. Et c'est un peu en grande partie à cause de ça, en plus d'autres podcasts que j'écoutais auparavant, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de faire ces émissions, de faire quelque chose sur ce médium. Et je les remercie jamais assez de m'avoir inspiré et de m'avoir donné envie de faire tout ça. Donc, J'aimerais quand même, Morgane, je pense qu'il sera... moi aussi, il y a toujours ce petit groupe Facebook privé, hein, le coin des cinéphiles. Qui meurt petit. Qui est en train de décéder. Non, qui est en pause. Sais pas. On a essayé de relancer, ça n'a jamais repris. Mais bon, pareil, il y a eu plein de belles rencontres là-dessus. Et du coup, c'est vrai qu'on discute un peu moins. Après, j'essaye de... Je regarde toujours attentivement ce que chacun publie un peu, mais c'est vrai qu'on discute moins. Voilà, il y a une dizaine d'années, c'est un groupe qui vivait beaucoup plus, qui était aussi au départ, qui n'était pas de notre fait, en tout cas pas du mien. J'avais été invité dessus, et ça avait été compliqué, Morgane en témoignera, et après on avait créé un petit groupe avec des gens qui s'entendaient bien et ça a tenu longtemps. Les parcours de vie sont différents. Ouais. Et puis, voilà, quoi. Donc voilà, mais tous ces gens-là, s'il y en a qui écoutent, c'est on est. Puis il y a quand même un peu d'animosité entre plus. Enfin voilà, il y a des gens dans ce groupe qui ne. Voilà, il fait un temps un certain T qui était dans le groupe qui ne m'aimait pas, qui m'avait bloqué, tout ça. Voilà, là j'ai perdu de vue Quentin, voilà. Je sais pas ce que je t'ai fait, Quentin. Bref, mais voilà, donc je pense que les parcours de vie font que Océane qui est en pleine. D'ailleurs, dans cette décennie, je vais juste dire un truc, un petit coucou, je sais pas si elle écoutera, mais Océane, c'est quand même son parcours vraiment, parce que je sais qu'elle a tendance des fois à s'en prendre plein la gueule, parce que elle perce un peu dans le milieu du podcast, des émissions de cinéma. D'ailleurs, Axel, elle travaille avec Fabien, elle collabore avec Fabien. D'accord. Et c'est même Fabien qui a donné des pistes pour un podcast et tout. Elle fait des choses étonnantes, vraiment. Elle qui a souvent tendance à se dévaloriser, à se dire est-ce que je suis légitime, etc. Et force est de constater qu'elle est, elle a un parcours qui est admirable. Elle réussit vraiment dans ce qu'elle veut faire. Elle parle de cinéma, culture geek, etc. Juste bravo à elle. Mademoiselle Citron. Un peu d'amour, que diable. Mademoiselle Citron, c'est une personne exceptionnelle, qui pleine de convictions, de passion, de talent, et voilà, je lui souhaite de réussir dans cette prochaine décennie. Oui. Encore plus. Oui. Parfait. Donc après ce moment émotion. C'était beau. C'était improvisé, mais c'était beau. Oui, mais bon, 10 ans. C'est sûr. 10 ans. 10 ans de cinéma, pas 10 ans de podcast. Ouais. Qu'est-ce que ce sera Pas encore. I'm not afraid to die. On va donc arriver sur la dernière partie de ce premier podcast, qui est nos top 3. On en a 4 à faire, donc on va être assez rapide, on va pas trop discuter, on va dire 2-3 mots sur nos choix, et puis on continuera. Et c'est un peu pour vous donner envie d'écouter le prochain podcast qui s'annonce déjà très, très savoureux, avec un top 10 de nos meilleurs films de l'année, de la décennie 2010. Qui va être très très, je pense, très intéressant à écouter. Donc voilà, on va commencer avec le top 3 de nos BO. On fait du numéro 3 au numéro 1 et tout d'un coup, et ben je propose que Morgane commence avec son top 3 de la BO. Oui, alors bah, numéro 3, oh là, j'ai deux fois la même BO d'un même réalisateur, compositeur. Ouais. Alors numéro 3, j'ai mis Interstellar, parce que c'est quand même, voilà, c'était assez sublime quand même. Hein. Numéro 2, j'ai mis Inception, encore du Hans Zimmer. Parce que la rien que pour Time, qui est quand même une musique qui est restée, mais même au-delà du cinéma. Je l'ai réécouté à fond l'autre jour dans la voiture avec Dream is Collapsing avant, c'est génial. C'est très très fort. Non, franchement, c'est incroyable ce qu'il a fait. Et numéro 1, Gravity de Steven Spielberg. Évidemment. Parce que, voilà, non, mais rien que pour le chant final. Enfin, voilà, c'est les émotions, mais marquées à vie. Très bien. Eddie ? Eh ben moi, ce serait numéro 3, ce serait Gravity de Steven Spielberg. Ouais. En deuxième, ce serait Avatar de James Horner. Du regretté, James Horner d'ailleurs. Oui. Et en premier, ce serait La La Land de Justin Hurwitz. Oui. Vous avez deviné ce que j'avais mis dans mon top aussi. C'est étonnant. C'est étonnant. En numéro 3, Hateful Eight. Parce que Ennio Morricone, voilà, c'est. Morgan, je sais que tu approuveras que c'est un des plus grands. Compositeur. C'est le plus grand. C'est le plus grand. Je l'ai pas mis, mais c'est pas sa meilleure BO. Mais moi, je la trouve excellente. Voilà, je l'adore. Rien que pour son thème principal. En deuxième, ça va faire crier Eddie et Morgan. Mais je mets Frozen 2. Wow. Parce que, voilà, je continue à adorer les chansons. C'est vrai, et même si c'est un peu tôt, je pense, pour le dire, mais voilà, je pense que c'est ma BO préférée Disney de cette décennie. En tout cas, j'ai pas mis au-dessus donc d'autres films, donc voilà. Mais j'aurais pu mettre Moana hein, parce que c'est très bien aussi, mais voilà. Je serais plus Moana moi quand même. Mais j'ai hésité. Et en premier, bien sûr, La La Land, voilà, Justin Hurwitz plus toutes les autres chansons. Il y a la chanson de John Legend aussi que j'adore. Enfin bref, voilà, c'est. Vous connaissez mon amour pour les comédies musicales et bah, c'est la meilleure comédie musicale qui est sortie cette décennie, donc voilà, j'étais obligé de la mettre. On va passer tout de suite à notre top 3 acteurs. Et ben Morgan, vas-y, on continue dans cet ordre là. Alors, acteur, j'ai été sur actrice moi. Alors, numéro 3, alors j'ai mis Tom Cruise parce que bah, le retour quand même de la forme olympique de Tom Cruise. Je trouve que voilà, il a su montrer un côté athlétique qui peut faire rougir pas mal d'autres comédiens. J'adore ce mec. Voilà, et humainement parlant, alors je parle pas de son truc scientologie, mais voilà, le rapport qu'il a avec ses fans, j'adore. Vraiment, c'est un acteur que j'aime beaucoup, beaucoup. Numéro 2, Ryan Gosling. Pour moi, ça a été vraiment la décennie où il a explosé. Il a commencé, pour moi, avec Crazy Stupid Love, où il était très bon. Bon, Drive, c'était le truc. Voilà, bon, j'ai pas aimé le film, et ni lui d'ailleurs. Après, je l'avais un petit peu perdu de vue, parce que moi, le côté Only God Forgive, ça me saoulait. Mais est venu The Nice Guys, puis La La Land, et je me suis dit, ok, ou même The Place Beyond the Pine. Et je me suis dit, ah, ok, là, il y a quand même quelque First chose. Man un acteur aussi, qui. First Man, évidemment, un acteur très polyvalent, très talentueux et j'aime beaucoup, voilà. Mais mon numéro 1, et pour moi, c'est l'acteur, c'est sa décennie, c'est Brad Pitt. Voilà, Brad Pitt. Brad Pitt, c'est le gars de... Alors déjà, Inglourious Basterds, je me suis dit, oula, quand même, il y a un truc. Et après, ça a été enchaînement de bons choix. Ok, hein, il y a eu Seven, tout ça, dans les années 90, il était là. Mais bon, il y a eu... comment ça s'appelle ? Enfin non, même pas, il y a eu Inglourious, il y a eu aussi, qui était avant, Benjamin Button. Petit à petit, il a gravi les échelons. Et pour moi, même si je ne suis pas fan du film, Once Upon a Time in Hollywood, voilà, où, là, il a été récompensé à juste titre. C'est un acteur excellent. exceptionnel, vraiment. C'est pas un acteur de midinette. Voilà, j'adore ses choix. Ad Astra, il était fantastique dedans. C'est vraiment un des plus grands comédiens. Enfin, c'est, pour moi, la décennie 2010, c'est Brad Pitt, quoi. C'est vraiment la décennie Brad Pitt. D'accord. 2019 était son année, mais toute la décennie entière, c'était Brad Pitt. Ok, bah très bien. Eddie. Alors du coup, je sais pas si tu le fais exprès, Morgan, mais bon, c'est assez drôle. Parce que moi, pour moi, numéro 3, c'est Brad Pitt. Donc voilà. Bon, évidemment, pour Tree of Life, hein, parce que moi, j'ai trouvé vraiment... Oui, ah bah oui, oui, il y a eu ça. Voilà, je l'ai trouvé bouleversant dans le film. Et après, oui, Inglourious Basterds et Once Upon a Time, pour moi, c'est vraiment déjà trois rôles en fait, qui suffisent à... Mmh. À vraiment le propulser, quoi. C'est vraiment des rôles forts. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé dans le dernier Tarantino. Donc, c'est pour ça que je le mets troisième. Mmh. En deuxième, j'ai mis Matthew McConaughey. Je sais pas si on dit comme ça. Mmh. Ouais. C'est un acteur que je connaissais pas trop. Et Lui, il te connaît pas non plus. Mais voilà, non, mais j'avais jamais trop, en fait, entendu parler de cet acteur-là. Et je me rends compte qu'à chaque fois, il m'a marqué. Alors c'est pareil, c'est pas forcément sur toute la décennie, mais toujours sur. Alors autant dans un tout petit rôle comme le Loup de Wall Street où j'ai trouvé drôle. Après j'ai beaucoup aimé Dallas Buyers Club aussi. Et là où il m'a vraiment bouleversé, c'est dans Interstellar surtout. Donc c'est pour ça que je le mets deuxième. Je trouvais qu'il avait vraiment trouvé sa place en fait cette année et dans Mud aussi. J'aime pas trop le film, mais lui est très bon dedans. Donc c'est pour ça. Bon, il s'est volé la vedette par. Qu'est-ce que tu. Et donc voilà, c'est un acteur qui m'a surpris, que je trouve vraiment bon dans ce qu'il a pu faire. Mm. Et en premier, j'ai mis Michael Fassbender. Parce que je voulais le mettre aussi, mais parce que moi je l'ai vraiment découvert donc dans le X-Men le commencement. Ouais. Mais là où il m'a vraiment ébloui, c'est dans Shame de Steve McQueen. Mm-hmm. Ce film m'avait vraiment bouleversé aussi, et j'ai trouvé que c'était vraiment un rôle compliqué, mais touchant aussi et beau. Et du coup après oui quand il joue dans les X-Men, je trouve qu'il correspond vraiment bien pour moi il est vraiment l'incarnation parfaite d'un Magneto plus jeune, et de manière générale j'ai trouvé qu'il était qu'il avait tout ce qu'il a entrepris j'ai trouvé bon en fait dans tout ce que j'ai pu voir. Moi je l'ai vraiment bien aimé dans Song to Song aussi de Terrence Malick. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est un excellent acteur qui a fait une très bonne décennie. Très bien. Alors moi, en numéro 3, du coup, à la base, je voulais mettre Sam Rockwell. Mais le fait que j'ai... Morgan, ça va t'étonner, mais j'avais pas mis Brad Pitt. Du coup, je le mets en numéro 3. Décidément, j'y avais pas pensé. Vraiment. Non, mais parce que j'y avais pas... Enfin, il m'est pas tout de suite venu en tête, mais c'est vrai que du coup, Tree of Life... Et parce que tu as enfin vu Tree of Life. J'ai enfin vu Tree of Life, oui, voilà. Effectivement, et j'ai adoré. Évidemment. Bien sûr. Voilà, même 12 Years a Slave. Et oui, Fury, donc oui, mais pareil, Fassbender dans 12 Years a Slave aussi, pour moi en tout cas. Ouais. Absolument horrible, mais génial. Oui, et bien sûr, finir sur Once Upon a Time, bien, voilà, c'était génial. Donc voilà. Brad Pitt, un petit coucou à Sam Rockwell malheureusement. En deuxième, Tom Hanks, voilà. parce que Cloud Atlas, parce que Le Pont des Espions, Sully, Pentagon Papers, enfin voilà, pour moi il est resté droit dans ses choix. Et enfin, tu vois, moi je l'aurais mis dans les années 90, moi, Tom Hanks, pour moi. C'est vraiment la décennie. Ouais. Mais oui, bien sûr, Brad Pitt et Tom Hanks en années 90 aussi, c'était des extraordinaires choix d'acteurs, etc. Mais je sais pas, en 2010, il m'a toujours autant marqué. Captain Phillips aussi. C'était bien ce film. Voilà, même si j'étais pas, enfin, j'ai pas vu les parce que j'ai pas vu Da Vinci Code, donc j'ai pas vu les Inferno et tout ça. Bah, c'est Da Vinci Code, c'était en 2007. Hein. Oui, ouais, mais je sais, mais je parle d'Inferno et voilà, c'est ça, voilà. Angédémon, c'était en 2009. Et bon, Inferno, c'était en 2009-2010. 2016. Non, voilà. Inferno, c'était en 2016. Voilà. Bref, voilà, Tom Hanks. De toute façon, je pense que Morgan, enfin, tu vas, t'es d'accord avec ce choix. Oui, j'adore, c'est mon acteur préféré. Voilà. Et en premier, là, tu seras beaucoup moins d'accord et tu vas être énervé contre moi, je pense. Yves, Yves DiCaprio. Non, j'ai mis Joaquin Phoenix. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, mais c'est vrai, t'as raison. Pourquoi ? The Master, ouais. Her, oui. Inherent Vice, L'homme irrationnel. Je suis d'accord. Voilà. Joker, ok, mais enfin, tu vois, Joker, il est devenu mainstream en fait, vraiment. Et je pense que, tu vois, au début des années 2010, même si, enfin, si il avait tourné dans Signe, etc. Il avait tourné dans des films, mais là, c'est vraiment devenu un acteur qu'on appelle souvent, quoi, vraiment. Et qui, enfin, comment dire, que c'est devenu un peu top, quoi. Vraiment, pas possible de passer à côté. Voilà ce que je voulais dire. Donc, pour moi, Joaquin Phoenix, c'est pour l'ensemble de sa carrière, clairement. Bah oui, non, mais bien sûr, c'est pas pour un rôle. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein, ok, bah super, je suis content. Voilà, et je sais que tu n'aimes pas. Et j'aurais pu mettre aussi DiCaprio, par exemple, mais bon, DiCaprio. J'y ai pensé, mais au final, ouais, c'est pas 2010 aussi. Où je l'ai trouvé le mieux, moi. Mais bah pareil, mais c'est la décennie 2000 plus. Mais ouais, moi, j'aurais pu mettre même si dans The Revenant il est très bon, hein. J'y ai beaucoup pensé parce que j'adore dans Loup de Wall Street, je l'adore dans The Revenant. Non, moi je l'aime beaucoup, il prend trop de place, ouais. Je trouve. Oui, un peu, c'est vrai, mais enfin voilà quoi. Donc Joaquin Phoenix numéro 1 parce que je me suis dit autant finir autant récompenser l'entièreté de la décennie, et voilà. Je trouvais que il représentait ça bien. On passe au top 3 des actrices, je pense on va passer à Morgane du coup. Alors là je pense que vous allez dire ah bon, numéro 3 Virginie Efira. Mais non, ça ne surprend pas. Parce qu'on en a parlé un peu avant le podcast et j'étais sûr que tu allais le dire, mais je comprends pas. Bah parce que Virginie Efira, peut-être pas vu dans les années 2000, mais... dans les années 2000, on parle quand même d'une présentatrice télé pour M6, qui a commencé à faire quelques rôles au cinéma fin 2009 par là, avec des comédies de Dominique Farrugia. Tu dis ouais, ok, bof. Et petit à petit, elle a commencé un petit peu, alors je dis pas qu'elle a explosé véritablement, mais elle s'est fait un bout de chemin, une petite réputation. Elle a été nommée au César, oui, évidemment. Pour Victoria, par exemple, elle était très bien dans 20 ans d'écart avec Pierre Niney. C'était drôle ça. Elle était bien aussi dans Elle de Verhoeven. Mais là, je pense que la prochaine décennie, elle va surprendre beaucoup plus. Enfin, Victoria, c'est un peu son meilleur rôle. Mais là, elle va jouer dans le prochain film de Verhoeven et tout, le rôle d'une religieuse ou je sais pas quoi. Franchement, elle va nous épater. On a, je pense, une future. Enfin, elle est déjà. Pour moi, c'est une superbe actrice. Mais elle a l'étoffe d'une grande pour moi. Elle peut, avec des bons choix, devenir une équivalente de Catherine Deneuve. Oh putain. Ou d'Isabelle Huppert. Elle peut y aller. Pour moi, elle ira. Parce qu'elle a, elle a un talent, elle a un truc. Et en plus, elle plaît. C'est quand même une des rares actrices, ou même comédien, tu vois, sortie d'un milieu télé qui perce, quoi. C'est un parcours complètement atypique et respect, franchement. Numéro 2. Emma Stone, là pour évidemment. Le coup, la décennie 2010, c'est quand même Emma Stone, hein, commencer dans des... Elle a quand même tout fait, hein. Moi Crazy Stupid Love, j'ai adoré, il y avait Easy Girl qui était un peu avant 2010, qui était très rigolo, voilà, elle était très bien en Gwen Stacy, j'allais dire Gwen Stefani, c'est pas la même, en Gwen Stacy, j'adore cette chanson, mais surtout La La Land qui a été sa consécration, même si je l'ai trouvée moins forte que Rachel Weisz, mais elle était très bien dans, comment ça s'appelle, merde. Oui, La Favorite. La Favorite, j'allais dire La Redoutable, non. Bah ça, oui, mais ça convient du coup. Elle est redoutable aussi, voilà. Mais Emma Stone, sa décennie, c'est ça. Mais pour moi, l'actrice que j'aime, et mon Dieu, c'est Jessica Chastain. Cette petite perle que Malick nous a présentée en 2011, j'ai senti la grâce. Enfin, elle est de son, cette femme, c'est la grâce. Mais dans le film, c'est la grâce. C'est son rôle. C'est la grâce de toute façon. Et ça lui convient parfaitement. Ouais, et après, elle a continué. Je continue à croire que Jennifer Lawrence lui a volé l'Oscar pour Zero Dark Thirty où elle le méritait. Et après, voilà, ça a été des débonches. Enfin, les films parfois sont pas très bons, mais c'est une actrice exceptionnelle qui est extrêmement talentueuse et une femme de conviction qui force le respect. Je l'adore, quoi. Elle a un combat politique qui est très noble. C'est une actrice d'exception et c'est le petit ange, la paire, l'étoile qu'on n'a pas vu arriver. C'est, quoi. C'est elle, c'est Jessica Chastain. Voilà, je t'aime, Jessica. Très bien. Eddie ? Eh ben moi, en numéro 3, ce serait Marion Cotillard. Mais c'est vrai en plus. Parce que, et principalement pour deux rôles, hein, mais c'est vraiment deux rôles que j'ai trouvé magnifiques et qui m'ont marqué. C'est pour De Rouille et d'Os, ouais. Qui est un film, moi ça m'a vraiment bouleversé comme film. Ouais. Pour Deux jours, une nuit, que j'ai trouvé très bien aussi. Alors, pas évidemment pour The Dark Knight Rises, oui, mais, bon, c'est sûr. Mais j'ai trouvé que globalement elle s'en sortait même bien. Dans Inception, Inception, j'ai trouvé bien aussi, ouais. Donc non, c'est pour moi c'est pas une mauvaise décennie pour elle. Elle a eu des rôles intéressants et variés en plus, donc c'est bien. Deuxième, c'est Emma Stone. Ouais. parce que La Land, hein, évidemment, mais pas que, plein d'autres rôles aussi. Crazy Stupid Love, c'est vrai qu'elle est bien aussi dedans, mais je l'avais beaucoup aimé dans La Couleur des Sentiments également, qui est un très beau film d'ailleurs. Voilà. Après, évidemment, en première, je mets Jessica Chastain. Parce que The Tree of Life, évidemment. Ah oui. Parce qu'en fait, pratiquement dans tout ce que j'ai vu d'elle, que ça soit The Tree of Life, que ça soit Miss Sloane, que ça soit l'affaire Rachel Singer, que ça soit des hommes sans loi, la seule fois où je l'ai trouvée, et même dans Blanche-Neige, enfin dans Le Chasseur et la Reine des Glaces, j'ai adoré parce qu'elle s'éclate en fait. La seule fois où je l'ai trouvée moins bonne, c'est dans Dark Phoenix. Voilà. Bah oui, mais c'est le film qui est pas bon. Mais elle est pas bonne dedans. Mais sinon, c'est une actrice que j'aime vraiment d'amour, quoi. Et je suis très très admiratif de cette actrice là. Et j'espère qu'on continuera vraiment de la voir parce que ça me ferait beaucoup de peine que sa carrière que sa carrière stagne en fait. Oui, c'est clair. Du coup, pour moi, en troisième, il y a Amy Adams. Parce que je l'ai... Je voulais la mettre. Ouais. Pour moi, il n'y avait pas de... Le top 3 actrices, il s'est fait comme ça, en un claquement de doigts. Les autres, j'ai eu du mal. J'ai pas trop eu de soucis pour le top 3 actrices. The Master, Her, il y a Big Eyes, il y a Premier Contact, Nocturnal Animal... en plus bon, de sa prestation en Lois Lane dans l'univers DC que je trouve très bien. Pour moi, elle a pas vraiment fait de faux pas. Il y a eu Vice aussi que j'ai pas vu, mais qui apparemment est un très bon film en 2018. Pour moi, c'est une actrice qui m'a énormément touché, principalement dans Premier Contact et dans Big Eyes. Ensuite, en deuxième, Natalie Portman. Je l'ai pas mis, mais ça aurait pu. Oui, je sais. mais du coup, Natalie Portman, parce que c'est une actrice que j'ai toujours aimée. Et pour ces films qui sont sortis dans cette décennie, il y a Black Swan, il y a Song to Song, il y a Annihilation. Pour moi, Black Swan et Annihilation suffisent pour moi à la mettre en numéro 2. Parce que c'est deux films dans lesquels elle m'a extrêmement touché. J'ai failli faire ça avec Anne Dorval, en fait. Pour J'ai tué ma mère et Mommy. Mais j'ai dit non, prends quelqu'un qui a fait plus de... Tu vas pas abuser. Voilà, non. Non, mais ouais, et puis il y a eu d'autres films entre... Mais même Song to Song, je l'ai adoré dans Song to Song, vraiment. Donc voilà. Song to Song, elle a pas joué dans... Dans Night of Cups aussi. Si, elle a joué, oui. Alors, Night of Cups, j'ai eu plus de... C'était mon premier Manic... Enfin, premier Manic Post Tree of Life. Donc, j'avais un peu de soucis. Faudrait que je le revoie. Je l'avais pas trop aimé la première fois que je l'ai vu. Mais voilà. Et en numéro 1, on l'a tous nommé, Emma Stone. Voilà, parce que La La Land tout simple, et L'Homme Irrationnel aussi, j'ai, et Magic in the Moonlight, voilà, deux films que j'ai beaucoup aimés. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Voilà, donc elle est, et Birdman aussi. Birdman, on l'a pas, on ah l'a oui, pas oui, cité, oui, mais dans Birdman, oui. Voilà, moi je l'ai adoré dans Birdman, donc voilà, c'est, elle mérite sa place. Même il y avait Bienvenue à Zombieland en 2009. C'était super cool, ça. Voilà, c'était super cool. C'était voilà, pas prise de tête. Son rôle de Gwen Stacy dans Amazing Spider-Man aussi, qui est très bien. Enfin, bref, voilà. Pour moi, c'est. Elle a fait des films un peu moins bons cette année, enfin, cette décennie, mais elle reste à peu près constante dans tout ce qu'elle a fait. Et j'ai pas vu Crazy Stupid Love, mais je suis très, très impatient de le découvrir parce que Morgan en parle très, très bien depuis un petit moment. Donc, voilà. Il est cool, ouais. Ce film. Donc voilà. Et il y a Ryan Gosling et Emma Stone. Mais ils chantent pas, malheureusement. Et ben du coup, on va finir sur la dernière catégorie qui est le top 3 de nos réalisateurs. Voilà. Donc, pas facile, ça. Pas facile. Ah, ça a été horrible. D'ailleurs, je fais un mea culpa tout de suite, j'ai fait un ex aequo. Voilà. Moi, j'en ai pas fait, je me suis dit, j'ai pas envie d'être chiant. Merde. En plus, vous allez voir mon ex aequo, c'est l'ex aequo le plus chiant de la Terre, mais c'est pas grave. On commence avec Morgane. Alors, ça m'emmerde parce que j'aurais voulu dire bonjour. Non, non, mais t'as mis un ex aequo, voilà. Dans ton top 10. Voilà. On s'est dit ouais, un ouais, seul ex aequo. Bah ouais, voilà. Bah en soi, moi, c'est un peu un ex aequo à sa manière, puisque numéro 3, c'est les sœurs Wachowski. Oui. Eh ouais. Ben oui, pourquoi ? Parce que, alors, les sœurs Wachowski, on va en parler, décennies importantes pour elles, clairement, hein, d'un point de vue personnel. Mais c'est aussi que... Pour Jupiter Ascending aussi, hein, qu'il faut... Moi, je continue à défendre ce film, je sais que toi, tu alors, l'as pas... Alors, mais il faudrait que tu le revoies. Mais hein. Faut que tu le dans, la globalité, par rapport voilà, à Cloud Atlas, évidemment, et même par rapport à Sense8, qui sont deux œuvres qui... moi, ça me fait du bien de voir qu'il y a des gens comme ça qui existent. Ouais. C'est-à-dire des cinéastes qui sont talentueuses, mais qui sont avant tout des grands humanistes. C'est un cinéma qui n'est pas spécialement cérébral. Matrix, ça l'est un peu, mais je parle de Cloud Atlas. C'est pas cérébral. C'est de l'émotion, c'est émotionnel et ça véhicule des bonnes valeurs, c'est tellement bienveillant, c'est des films qui sont faits avec le cœur, c'est des femmes qui ont un cœur gros comme ça et un talent inouï, elles prônent la tolérance, elles rassemblent, c'est du cinéma qui rassemble à travers et des films comme Cloud Atlas et des séries comme Sense8 et je trouve que c'est important d'avoir des auteurs comme ça, ces femmes-là, je les aime et pour moi, elles doivent... Je vais pas dire qu'elles sont sous-cotées, mais on n'en parle pas assez, quoi. Jupiter Ascending, bon, je suis d'accord, c'était un peu déceptif pour moi, quoi. Bon, mais, moi, j'adore. Mais quand même, Cloud Atlas, gros morceau de cinéma. Sense8, c'était beau. Et dans la démarche, dans l'ambition, voilà. C'est du cinéma humain et c'est surtout du grand cinéma avant tout. Voilà. Très bien. Numéro 2, Alfonso Cuarón. Puisque, bah voilà, là, d'un point de vue technique, cet homme m'a, et d'un point de vue personnel, m'a fait du bien, clairement. Il m'a tordu ce que j'ai dit. Il m'a amené là où j'ai rigolé allé, en silence. Dire... Mais bon, bah, là, je vais aller plus loin. Il m'a amené au 7e ciel. il m'a amené dans l'espace. Hein, quoi. Il a fait de la. Je vais paraphraser une micro-critique que j'ai. Enfin, une phrase d'une critique que j'avais lue. Gravity, c'est faire d'une salle de cinéma le plus bel endroit de la Terre. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Pour rappel, Gravity, je l'ai vu 35 fois au cinéma. Et techniquement, c'est un film qui est tellement éblouissant. Pour moi, il a marqué la décennie. Il a même contribué à faire évoluer le cinéma d'une certaine manière. Voilà, pour moi, Cuarón, voilà. C'est numéro 2. Et numéro 1. Et bah, le mec a beau avoir son âge, mais chaque décennie c'est la sienne, c'est Spielberg, tout simplement. Pour moi, voilà la preuve que c'est un grand, que c'est le meilleur, parce que il a fait à peu près les deux films un peu ultimes en début et en fin de décennie. C'est-à-dire que pareil techniquement avec la performance capture, il a fait Tintin. Une nouvelle perspective de faire du cinéma. Après, il est passé par des petits trucs comme un petit film historique avec même des biopics qui sont sympatoches Lincoln, comme Lincoln, Le Pont des Espions. Tout, ça se regarde. Le Pont des Espions, Chevalier des Lèvres de... que j'ai pas revu, mais il faudra que je le revoie puisque à l'époque j'étais. Oui. C'est un très beau film. Oui, c'est vrai. Je suis sûr que oui. Et bon, même s'il y a des ratés comme le bon gros géant, mais bon, Le Pont des Espions qui est le conte à la Capra très humaniste, pareil, hein, les mêmes qualités que les Sœurs Wachowski, c'est-à-dire que c'est du cinéma intègre, fait avec du cœur, et surtout, pour moi, il nous a offert le plus beau cadeau, un magnifique cadeau sur notre amour qu'on a envers la pop culture, qui est Ready Player One. Mmh. Et toujours, voilà, le mec est là, il est moderne, alors qu'il a son âge, quoi. C'est un papy, on va pas se mentir. Mmh. Mais il est là, il est moderne, il a du talent, des idées. Cette année, il arrive avec West Side Story. Pff, voilà. Pour j'espère moi, c'est qu'il sort Spielberg. Cette année, hein. Ouais. Oui, il va sortir. Ça sort pour Noël. Mmh. Tout va sortir pour Noël. On va faire comment ? C'est quand même le réalisateur. Voilà, le mec est là depuis. Mais ça reste la décennie, quoi. Ça reste le meilleur, tout simplement. Mmh. Voilà. Très bien. Eddie ? Alors moi, évidemment, ça ne va pas trop vous surprendre. J'ai mis en 3, j'ai mis Xavier Dolan. Mm. Parce que le personnage, parfois, m'agace un peu, mais ses films m'ont marqué quand même. Et que ça soit Mommy, évidemment, Tom à la ferme. Voilà. Yeah, c'est vrai, ça fait. Et Laurence Anyways, bien sûr, ouais, j'adore. Les amours. Un peu moins, imaginaires. Mais j'aime bien aussi. Bon, par contre, voilà. C'est juste La Fin du Monde et John F. Donovan, j'aime moins, mais voilà. Ça reste des films qui sont intéressants. Mais c'est vrai que, oui, rien que pour Mommy, Tom à la ferme et Laurence Anyways, par exemple, c'est vraiment. C'est des films assez forts, je trouve, surtout Mommy et Laurence Anyways. Donc voilà, donc je le mets là. Et en tant que réalisateur, pas en tant qu'acteur. Je trouve moins bon en tant qu'acteur. Et d'ailleurs, Dolan, je rebondis, j'aurais pu le mettre aussi parce que. Alors, je n'aime pas le cinéma Xavier Dolan à part Mommy, qui est une anomalie pour moi parce que j'adore. Mais Xavier Dolan, il a quand même. Il est passé par tous les stades. Hein, c'est-à-dire que c'était la révélation. Ensuite, il a été mis sur un piédestal avec Mommy. Puis ensuite, il a été recritiqué, détesté. Le mec, il est vraiment passé par tous les. C'est très bipolaire. Le mec, il est en train de faire une carrière en 10 ans. Ouais, c'est ça, clairement. Exactement. Mais oui, mais voilà, par contre, bon, même si je trouve que voilà, ces derniers films, c'est vraiment un peu en pilote automatique, quoi, il fait un peu la même chose, mais ça reste quand même un mec qui s'est installé et en plus avec sa jeunesse. Et j'ai pas vu et Mathias est hyper jeune par contre. Ça par exemple, je trouvais ça un peu dispensable, mais pas tu l'as dit toi-même. Enfin non, quoique il est très bon acteur dans le film, vraiment. Mais après c'est ça, j'étais assez bluffé, quoi. Le gars, en 10 ans, mais quelle carrière, quoi. Il aurait pu y être aussi. En deuxième, j'ai mis Damien Chazelle. Parce que... Le frère de Maria. Alors, j'ai pas vu First Man. Mais ouais, par contre, rien que pour La La Land et Whiplash. Et Whiplash. Et voilà, c'est vraiment deux films que j'ai trouvé très, très... très réussi, hein, l'un comme l'autre. Bon, j'ai une préférence évidemment pour La La Land, pour le côté, voilà, pour le Los Angeles, la joie que ça un peu fantasmé, pour le jazz, pour plein de choses. Bon, voilà, Whiplash, c'est le jazz aussi, mais J.K. Simmons, c'est formidable, mais c'est vrai que je sais pas, les chansons, quoi, de La La Land, c'est vraiment. Mais c'est le jazz à la dure, hein, Whiplash. Et rappelons que Eddie, de base, La La Land, il ne voulait pas. C'est ça, j'ai une histoire tellement particulière avec ce film que du coup. Voilà. Et on le défendait, hein. On l'a bien défendu. Ah oui, on m'avait eu à l'usure, donc c'est très bien. Ouais. Et évidemment, en premier, j'ai mis Terrence Malick. Oh, ça m'étonne à peine. Et qui... parce que The Tree of Life, mon premier Terrence Malick. Et après, du coup, j'ai découvert toute sa filmographie, j'ai découvert les derniers au fur et à mesure, et sauf Une Vie Cachée, que j'ai pas pu voir. Ouais. C'est pas grave. Et du coup, voilà, moi j'ai tout aimé, hein, même les derniers. Je sais que To The Wonder est considéré comme faible. Moi, je trouve très beau. Mais même Night of Cups et Song to Song, pour moi, c'est vraiment des films. Voyage of Time, mais j'en aurais parlé, mais après, parce que c'est moins un film. Mais c'est vrai que ces trois-là. Tree of Life, To The Wonder et Night of Cups, pour moi c'est vraiment une trinité qui fonctionne ensemble. Et Song to Songs, pareil, ça revient un petit peu à ce qu'il a fait avant, qui est très, c'est très beau. Ouais. Et Voyage of Time, bah c'est voilà quoi, c'est incroyable. C'est très fort. Voilà, moi c'est vraiment un film que j'apprécie énormément. Ouais. Voilà, donc ce réalisateur-là pour 2000, cette décennie. Très bien. Alors, top 3. Du coup, j'ai dit qu'il y aurait un ex-aequo en numéro 3. On va commencer avec Jordan Peele. Oui, Jordan Peele, non. Parce que... J'ai eu un orgasme. parce que, voilà, il a fait Get Out et Us, qui sont pour moi des grands films. Des grands films, pas juste des films d'horreur. Des grands films. Non, des grands films. Voilà. Le problème, pourquoi je l'ai mis en ex-aequo ? Parce qu'il a une trop petite... filmographie. Voilà, moi, c'est pourquoi je l'ai pas vu. J'attends de voir le troisième. Au vu de la décennie, mais il fallait que je le cite parce que voilà, il fallait que je dise que voilà, Get Out et Us, c'est vraiment des très grands films et je vous invite à les voir ou les revoir si vous ne les avez toujours pas vus. Je l'ai mis en ex-aequo avec. Alors c'est assez marrant que je l'ai mis en ex-aequo avec eux, mais c'est du coup Phil Lord et Chris Miller. Puisque à la base Jordan Peele vient de la comédie, hein. Phil Lord et Chris Miller, pour moi, c'est les gens qui ont eu la carrière la plus, enfin, c'est les gens qui m'ont fait le plus rire cette décennie, clairement, avec Tempête de boulettes géantes, 21 Jump Street, Lego Movie, Spider-Man Into the Spider-Verse. Enfin, pour moi, ils ont pas vraiment fait d'erreur. Ils ont essayé de faire solo Star Wars Story, ça a raté, ils se sont fait virer. Donc pour moi, vraiment, ils ont fait aucune erreur et ils ont, voilà, pour moi, ils ont fait que des vraiment très bons films. J'ai eu une toute petite déception sur 22 Jump Street, mais ça reste un super film d'humour et d'action qui fonctionne à merveille. Donc voilà, pour moi, c'est les réalisateurs comiques à la perfection, et ils font aussi bien de l'animation que du live, donc ils sont parfaits dans, enfin, ils maîtrisent tout, ils marchent sur l'eau, clairement. Donc voilà. En deuxième, j'ai mis Brad Bird. Pourquoi j'ai mis Brad Bird? Parce que il a fait 3 films cette décennie, mais punaise, quel film! Il a fait Mission Impossible Protocole Fantôme, qui selon Morgan est la meilleure Mission Impossible. Ouais. Il a fait Tomorrowland, qui est un film qui a été injustement déjà bâché, et en plus, vous avez juste allé sur Sens Critique, tout le monde, il y a pas mal de monde qui n'aime pas ce film. Mais c'est parce qu'il a mal été vendu. Il a été mal vendu. Avoir compris pourquoi. Voilà. Parce que je crois qu'il avait été approché pour faire un Star Wars de Brad Bird et il a refusé. Et donc, comme tu refuses un gros produit de ton patron, du coup, ton patron, il te la fout à l'envers après, voilà, en te sabotant ton truc. Voilà. Ouais, et ça aurait pu tellement être une belle saga, ce film. Enfin, ça aurait pu être l'amorce de quelque chose, d'un univers un peu étendu, mais intelligent, vraiment. Ça a de super beaux messages. Voilà. Et pour finir, Les Indestructibles 2. C'est extraordinaire, Les Indestructibles 2. C'est la suite dont on rêvait. Voilà, pour moi, de toute façon, Brad Bird, il a pas fait de mauvais films, clairement. Voilà, il a fait que des, il enchaîne bon film sur bon film, et cette décennie, il a encore prouvé. Voilà, donc je vous invite à aller voir Tomorrowland si vous ne l'avez toujours pas vu, parce que voilà, les deux autres films sont un peu plus grand public, mais Tomorrowland a été mal vendu, donc il est disponible sur Disney+, donc je vous invite, si vous avez Disney+, ça ne vous coûte rien de le voir. Passons au premier. Pour moi, c'est un réalisateur, c'est un de mes réalisateurs préférés, donc voilà, mais je n'ai pas cité Steven Spielberg. Voilà, comme Morgan, j'ai cité Quentin Tarantino, ouais, oui. Parce que pour moi, je sais que toi, Morgan, et même Eddie, il me semble, vous n'aimez un peu moins Django Unchained. Moi, j'aime toujours autant ce film. Mais pour moi, il n'a pas fait de faux pas, en fait, vraiment. Inglourious Basterds, Django Unchained, Les 8 Salopards, Once Upon a Time in Hollywood. Mais c'est quoi? Enfin, c'est un seul mec qui t'a produit 4 films comme ça. Donc pour moi, il a fait aucun faux pas durant cette décennie, et voilà, c'est pour moi encore le meilleur réalisateur de cette décennie 2010. Voilà. On a fini avec cette première partie de ce podcast. C'était long, mais voilà, je pense que vous avez apprécié qu'on revienne un peu sur cette décennie. Et encore, on n'a pas fait l'énorme morceau qui s'annonce dans le prochain podcast, et qui viendra au moment où ce podcast sera publié, dans 1 à 2 semaines, voilà, selon mon temps de montage. Ce sera nos top 10 respectifs, et je vous invite à être prêt à l'écouter parce que il risque d'y avoir pas mal de choses. Voilà, donc déjà on va vous remercier d'avoir écouté cette première partie. On vous donnera les informations où vous pouvez nous retrouver, etc. Bon, de toute façon, si vous écoutez ce podcast, normalement vous connaissez, mais on vous donnera tout ça dans la deuxième partie. Et puis on vous dit à dans quelques jours pour la deuxième partie de ce podcast. Ciao. Salut. Salut. Trips like, yeah, Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up, but if God got us, then we gon' be alright. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster, in silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my face is all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, when the killer's dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it, I know it's illegal. I don't think about it, I deposit every other zero. Thinking of my partner, put the candy, painting on a Rico. Digging in my pocket, in a profit, big enough to feed you. Every day my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. Ah! I don't talk about it, be about it, every day I seek you. If I got it, then you know you got it, heaven I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Big back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, when the killer's dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. In my prayers.